Si vous permettez, on va commencer. Je vous ai promis qu'on allait parler un petit peu de cet super pouvoir que le corps humain, entre autres, a à sa disposition. Et donc, je ne sais pas si... Bon, c'est un sujet tellement large qu'on découvre, on est en train de découvrir des choses. Donc, je ne vais pas vous parler des choses comme lévitation ou les déplacements des montagnes ou des choses incroyables, même si le corps en soi, déjà, c'est un miracle. Et tout ce qui se passe au niveau chimie et l'énergétique, bon, physique, etc., c'est vraiment incroyable. Et on s'est même pas rendu compte que des choses comme par exemple antimatière ou antigravitation, des choses comme ça, peut-être elles sont en œuvre depuis toujours dans notre corps sans qu'on s'en même rende compte, ou la transmutation des éléments. Et donc, mais je ne vais pas parler de ces choses-là. Ça, je ne vais vous pas proposer de participer à échanger dans ce domaine un petit peu difficile à cerner, peut-être. Mais il y a des choses plus terre à terre qui sont aussi étonnantes. Et d'ailleurs, elles attendent qu'on les découvre, qu'on utilise dans notre vie. Parce que je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais je crois que nous avons tout pour vivre heureux et en bonne santé. Et on devrait les faire. C'était notre choix de ne pas les faire, notre choix du confort ou le choix de acceptation des choix que les autres ont fait à notre place et qu'on a accepté de vivre la vie de la manière qui ne correspond pas, en tout cas ne correspond pas à nos corps. Donc, en tout cas, si vous n'êtes pas d'accord avec moi à certains moments, parce que ce sera ce que je veux vous proposer à entendre, ce sont des choses. Je pense que une des découvertes les plus importantes des derniers temps, c'est comprendre qu'on n'est pas seul. C'est-à-dire, on pensait toujours les corps, c'est quelque chose. Construit des cellules et qui est autosuffisant par rapport, qui peut marcher tout seul. Mais là maintenant, on s'est rendu compte que finalement, on vit en symbiose, qu'on est un être multiple. Et c'est là, la conscience de ces faits peut nous aider à comprendre comment faire. Comment retourner à cette manière de vivre en harmonie avec soi-même, avec les composants, tous les composants de notre corps, pour changer des choses simples au quotidien, parce que a priori, donc on a tout ce qu'il faut pour être en bonne santé, on a tous sous la main. Et pour nous soigner au cas où des problèmes, pour nous régénérer, pour voilà. Seulement, on se fait croire que ça doit être des choses très compliquées. C'est-à-dire qu'on doit dépenser plein de sous pour faire venir de notre bout du monde des choses pour nous soigner. Et on se dit pas que tout ce qu'on a besoin, on a déjà en soi. Parce que la nature était a priori prévoyante, donc elle nous a déjà, les corps même et les bactéries qui nous animent, elle a fourni des moyens, des dispositifs. Et on a aussi des choses pas loin à chercher. Voilà, seulement il faut, comme les plantes sauvages par exemple, savoir qu'on peut les utiliser. Et donc, et là maintenant, l'idée de départ, c'est que quelque part, notre problème, j'ai déjà plusieurs fois, je l'ai énoncé, que le problème, c'est cette erreur ou la faute originelle qu'on a commise à un moment dont la Bible, bizarrement, c'est symbolisé par un arbre des connaissances du bien et du mal. Et je pense que c'est quelque part la connaissance qui nous a découpés, et parce qu'il n'y a rien gratuitement. Donc on a reçu cette connaissance, mais on a perdu en même temps l'instinct et ce qu'on peut dire instinct soft, plus doux, c'est l'intuition. C'est-à-dire, l'instinct, c'est quelque chose qui est impératif, et l'intuition, c'est quelque chose qu'on peut encore agir, on peut avoir le choix. Et par l'analogie avec la religion, seulement de manière, disons, objective, regardant des choses, les principes, c'est des libres choix. On est libre de notre choix. Et je pense que notre corps, il nous donne cette libre choix, même, donc il est tellement dévoué et il nous fait tellement confiance qu'il fait tout ce qu'on lui demande, c'est-à-dire même on peut détruire notre corps volontairement, le corps va suivre nos intentions et sans protester, des fois seulement il fait aïe aïe au moment où, pour nous montrer que sans nous forcer, démontrer peut-être on fait quelque chose qui n'est pas bien. Et quand on regarde les. Donc, c'est seulement la moitié je crois, de vérité, c'est qu'on est en symbiose avec les corps étrangers, quelque part, les bactéries. Mais aussi, il y a cette côté qui est non palpable, qui est non matériel, et qui est habitant de ce véhicule que nous sommes. Par contre, déjà au début du XXe siècle, je pense, il y avait plein de choses qui étaient découvertes à cette époque-là. On a pensé que il y a un lien entre le corps matériel, c'est-à-dire entre le côté dimension matérielle et non matérielle, et c'est le système glandulaire. C'est-à-dire, on a découvert que c'est parce qu'on pense que la conscience et l'intelligence, le conscient-inconscient, c'est l'histoire du système nerveux. Mais il y a c'est un Français qui s'appelait Jean Gauthier, qui a développé une théorie justement que les premiers dans les temps chronologiques, les premiers systèmes qui se développent, c'est le système glandulaire, et c'est les glands finalement qui gèrent toutes les relations entre le matériel et l'immatériel. C'est-à-dire, quand on parle de psychosomatisme, ça passe par les hormones la plupart du temps. Et lui d'ailleurs, donc j'ai l'occasion, je vais le dire, et que les histoires de traumatisme dans l'âge, dans petit âge, ça peut bloquer le développement aussi bien de point de vue physiologique, développement du corps matériel, mais aussi par rapport au développement de l'identité, disons, plus immatérielle. Et c'est peut-être pas étonnant que dans les religions, dans les religions, dans les médecines ayurvédiques par exemple, des traditions de l'Orient, on parle des chakras. Et les chakras correspondent, si je ne me trompe pas, aux glands de ces systèmes glandulaires. Et donc l'idée, ce serait. Donc, si on comprend qu'on a tout à notre besoin, il faudrait comprendre qu'est-ce qu'on fait de pas bien et pour que les choses aillent pas bien, finalement. Donc on peut dire, donc, dans cette métaphore biblique, de Genèse aussi, on a l'histoire des fruits interdits, et peut-être c'est justement la réponse, ce serait que ce fruit interdit, c'est soit qu'on mange cuit, soit qu'on mange la viande, ça y est, qu'on mange des choses qui n'étaient pas prévues au départ, à l'origine, pour nous nourrir. Et d'ailleurs, dans cette métaphore biblique, on dit, si on prend si on prend les fruits interdits, sûrement on va mourir, on va en mourir. Donc, quelque part, on les retrouve dans les histoires. Et si on regarde l'histoire de l'humanité, on voit que quelque part, nos capacités, notre force vitale, en tant que la force vitale de l'espèce, elle diminue. Et avec elle, maintenant, parce qu'on fait tout pour réduire la force vitale de la nature en entier, donc on tue la terre, on ne permet pas les plantes à s'épanouir, etc., etc. Donc, je vous propose de suivre la réflexion de deux encore scientifiques du début du XXe siècle. Un, c'est très drôle, il s'appelait Horace Felcher, qui a vécu à la fin du 19e siècle. C'était un homme qui est un businessman qui a fait sa fortune. Donc il était en surpoids. Et à certains moments, bon, il s'est dit, bah, peut-être parce qu'il dormait mal, il était tout le temps sous tension, fatigué, il pensait que quelque chose se prépare pas bien pour sa santé, et il voulait souscrire à une assurance. Et l'assurance lui a interdit. Elle a dit, non, on ne va pas faire l'assurance avec vous parce que voilà, on ne sait pas combien de temps vous allez vivre encore. Et à ce moment-là, bon, il a dit, bah, il faut faire quelque chose. Et il a entendu que c'est un Américain, que c'est en Europe qu'il va trouver la réponse. Il est parti en Europe, il a essayé différentes cures, et rien n'a réussi. Mais par hasard, il a rencontré quelqu'un qui était très robuste, en très bonne forme. Et il a demandé, mais comment vous faites de rester comme ça, en pleine forme, malgré votre âge? Et lui a dit, mon secret, c'est que je mâche la nourriture beaucoup, longtemps. Et lui, il a commencé à utiliser cette méthode-là. Il a pu réduire, et c'est bizarre parce qu'on parle très souvent, tout à l'heure, d'un tiers. Il a réduit, il a deux tiers de cette nourriture qu'il avait, il a abandonné, il a mangé seulement un tiers, mais par contre, il a vraiment mâché beaucoup. Et après cette méthode, donc on a promis soigner toutes les maladies, toutes sortes de maladies par cette méthode des mâchages qu'on a appelé felchérisme après, de son nom. Et donc l'idée, effectivement, ce serait que notre corps, il profite pas suffisamment de ce qu'on lui apporte. Parce que il n'utilise pas, donc il ne fait pas de manière correcte. Donc, les mots-clés de cette situation, c'est la salive. C'est pour ça que à certains moments, je vous dis que c'est une arme secrète de corps. Et c'est la salive parce que c'est quelque chose de très extraordinaire. Et de nouveau, dans les cultures de l'Est, et notamment de la médecine chinoise, et il appelait ça l'eau céleste, et qui disait que c'est les produits, que c'est plus important que du sang. Même pour eux, c'était les principales, c'est la salive. Et par exemple, il disait il faut pas cracher, parce que personne qui crache, elle enlève une partie de son énergie, de son vital, en se débarrassant de ça. Donc là, peut-être Laure qui a étudié la médecine chinoise, c'est ce que tu pourrais ajouter parce qu'apparemment, justement, cet exercice de l'eau et de l'eau céleste, c'est quelque chose qui est. D'accord. comme ça, je ne pourrais pas trop rajouter. Mais après, on sait aussi, nous, dans notre culture, c'est arrivé jusqu'à nous, comme tout ce temps-là, c'est des glandes salivaires, c'est rattaché justement aux glandes. Mm-hmm. Donc, c'est la première, le premier contact avec l'ingestion de la nourriture et du coup, d'opération chimique qui va informer et conditionner les aliments pour après faire tout son trajet et être mélanger ou digérer comme il faut, mais c'est ça part vraiment de mm-hmm. Donc après c'est manger en conscience par rapport à ce que tu et laisser, parce que peut-être je vis ça dans un livre et ancien et il disait déjà que peut-être ça commence à tomber dans la désuète et vous normalement avant méditation ou d'autres exercices et vous faites plus faire venir la salive dans la bouche par la... Ben c'est ça, même quand on dit il y a plein d'expressions françaises qui viennent de comment dire de constats médicaux ou médicinales chinois, souvent, comme, mm-hmm. par rapport aux organes, comme on dit, ne mets pas la rate au courbouillon, etc., plein de choses comme mm-hmm. ça qu'on a en français. Et quand on étudie la médecine chinoise, on se dit, en fait, ça veut dire vraiment quelque chose par rapport à l'organe sollicité, concerné, etc. Enfin, mm-hmm. c'est vraiment, et l'émotion qui va avec, etc. Ouais, ouais. Et là, quand on dit, ça me fait saliver, ou quand on a envie quelque chose, voilà, ça me met l'eau à la bouche, etc. C'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on mange avec les yeux. Enfin, après, là, on dérive sur la nourriture, mais quelque part, aujourd'hui, les grands cuisiniers, ou on dit que c'est la disposition dans l'assiette, c'est les couleurs, et que déjà, on a mangé, je crois, la moitié, ou en tout cas une grosse partie, mmh. rien qu'avec les yeux. Okay. Et que du coup, et en médecine chinoise, il est dit aussi qu'il ne faut jamais se resservir deux fois. Donc il vaut mieux se servir une fois correctement plutôt que de prendre deux petites fois. Mais ça, c'est pas notre culture. On est plutôt à dire, tu prends un petit peu, tu es sûr de finir ton assiette et tu te resserres si tu as encore faim. Il faut tout. En fait, il y a un mécanisme qui ferait grossir l'être humain, le fait de reprendre, même si la deuxième fois on met rien dans l'assiette. Non, mais j'ai un peu de culpabilité alors. Je sais pas. Mais physiologiquement. Ça fait déjà si on veut maigrir ou si on ne veut pas grossir ou si on veut manger en conscience et intelligemment, il ne faut pas jamais se resserrer. Mmh. Bon, merci beaucoup. Voilà pour l'info du jour. Aussi, le fait de finir la tête, il y a aussi toute une génération qui a grandi pendant la guerre et qui ensuite a été élevée comme ça. Mais je sais bien, c'est pour ça que je dis dans notre éducation. C'est une éducation. Et on transmet aux enfants. Si tu finis, tu as pris, tu manges, tu te sers en centre de vacances, en colonie, dans les centres éducatifs, on dit non. Au départ, en centre de vacances, on servait les enfants. Donc on estimait qu'en tant qu'adultes, on était nous-mêmes à savoir la portion de chaque enfant, parce qu'ils sont tous pareils. Voilà. Donc on les forçait à finir. Donc là, c'était l'enfer dans la relation d'un futur adulte par rapport à la nourriture. Mais après, il y avait un peu plus d'intelligence, et dans les centres de vacances, on autonomisait beaucoup l'enfant, et on lui disait, tu te sers, et tu apprends à écouter tes besoins, et à te servir qu'en fonction de tes besoins. Et pour pouvoir, voilà, et par contre, on allait dire, tu te resserres plusieurs fois. Où il n'y avait pas ce côté. Voilà. Et on peut aller aussi plus profondément dans les choses. C'est l'idée qui m'est venue récemment. Je me suis dit que finalement, les gens qui tombent malades, ce sont souvent les gens qui sont servis, justement, qui ne préparent pas par eux-mêmes la nourriture. Et je pense qu'on ne se nourrit pas seulement avec la bouche, avec les yeux, avec l'odorat, mais aussi avec les touchés. Et déjà, quand c'est un énorme plaisir, et on sait que la peau, elle aussi aspire des choses, c'est-à-dire quand on met quelque chose sur la peau, ça disparaît. Donc, il y a une partie qui s'évapore, mais il y a une partie qui est absorbée. Et je pense, quand on prépare la nourriture, quand on met même les mains dans la terre, on touche les légumes, ou on travaille l'actofermentation, par exemple, on se nourrit déjà avec la toucher. D'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu dis, beaucoup de cuisiniers disent « je n'ai pas faim après avoir cuisiné ». En fait, ça m'a nourri. Donc c'est ça, c'est le toucher, c'est l'odeur, c'est goûter aussi un peu, bien sûr, mais il y a quand même tout ça, tous les sens qui ont été... Et donc, ils n'ont jamais faim, en fait. Oui. Et ce qui est... Donc, du côté pratique, Et ce qu'on conseille, et ce que les Chinois conseillent justement pour venir, cette eau qui est très importante et qui est nourrissante. Donc, oh, bah, je vais faire encore une digression avant. Et dans la salive, il y a de la nourriture, il y a des médicaments, et il y a de... Donc bon, c'est lubrifiant, ça permet à décomposer les amidons surtout. C'est-à-dire on a l'intérêt de faire ça dans la bouche parce qu'après, ça décharge les systèmes digestifs. Et en plus, apparemment, les systèmes digestifs marchent en deux étapes. C'est-à-dire les premières étapes, c'est la décomposition des amidons, sucre, qui ensuite permettent à créer la pepsine, si j'ai bien compris, qui s'occupe des protéines. C'est-à-dire d'abord, il y a des libérations de sucre, et après, il y a les protéines. Dans la salive. Pardon ? Dans la salive. Non, la salive, normalement, on a l'intérêt de mettre le plus possible de salive, parce que ça agit sur les amidons, et après... Et ça continue dans le système digestif, même dans les intestins, à décomposer et aider à soulager les systèmes, les pancréas et le sucre gastrique, et pour que les corps ne soient pas fatigués. C'est-à-dire, apparemment, quand on mâche beaucoup dans la bouche, les systèmes digestifs principaux, il est pas... Ça aide à la digestion. Voilà, ça aide à la digestion. Et ça fatigue moins les systèmes, c'est-à-dire on est moins fatigué en tant que l'ensemble. Et donc, dans le passé, par exemple au 19e siècle, on aidait à nourrir les nourrissons avec la salive. C'est-à-dire que les bébés, ils n'ont pas des enzymes, parce que là, c'est l'autre. Il y a d'un côté le système glandulaire, mais de l'autre côté, il y a des enzymes qui jouent au niveau biochimique et qui sont très importantes. Donc, on a besoin des enzymes pour découper les nutriments, pour qu'elles rentrent utilisables par les corps, assimilables par les corps. Et les bébés, ils n'ont pas des enzymes qui permettent même de bien utiliser les laits maternels. Donc, on a utilisé apparemment, et on mettait les salives sur les seins pour que les bébés puissent en profiter et en soigner. Parce qu'en même temps, donc, je ne peux pas vous énumérer, mais il y a même contre la fièvre, contre les gastro, il y a toutes les sortes de médicaments qui sont dans la salive et qui, au cas de on a soigné les gales des enfants en mettant la salive et les gastro aussi. Et après, en Afrique, et d'ailleurs à certains moments aussi, la médecine pédiatrique conseillait aux mères de faire ce qu'on appelle la pré-gestion, prédigestion, et c'est-à-dire que ces mères qui prenaient dans la bouche les nourritures solides, par exemple les bouillies de comme les oiseaux. Voilà, et qui donnaient, parce que quand on fait, par exemple, on faisait les millets, par exemple en Afrique, c'est les millets qui l'utilisaient souvent, ils faisaient les bouillies des millets, mais il était soit trop liquide et pas nourrissant, soit trop condensé et qui, les bébés, ils ne peuvent seulement boire, ils n'ont pas la capacité de manger des solides. Donc, c'est apparemment salive qui rendait par, comment ça s'appelle, amélase, cette enzyme qui rendait liquide, qui rendait liquide et cette bouillie, elle rendait nourrissant pour les bébés. Et d'ailleurs, bon, dans cette médecine chinoise, ils conseillaient les matins, par exemple, après se réveiller, je voulais dire avant se réveiller, mais on ne peut pas faire des choses avant se réveiller, donc après se réveiller, avant se lever, ou après se lever, de faire un exercice qui consiste à faire et bouger la langue, donc 9 fois à l'extérieur dedans, dans l'autre sens, 9 fois, et après à l'intérieur dedans, 9 fois dans un sens, 9 fois dans ce sens. Alors on a plein du salif à ce moment-là qui s'est produit. Et il disait de les partager en 3, donc ça, de s'imaginer qu'on va les avaler en 3 fois et les accompagner avec le sourire interne, c'est ça qu'on dit ça, dans le centre. Et ça était censé, donc avant qu'on mange, à soigner, à nettoyer et à régénérer les parois des intestins parce que ça descend apparemment jusqu'aux intestins. Donc ça, c'est leur méthode à eux, je ne sais pas. J'ai essayé de le faire et ce n'est pas désagréable. Et c'est... Bon, il faut les croire et peut-être il faut appliquer. Mais l'idée, c'est que beaucoup de maladies viennent peut-être du fait qu'on ne mange pas assez et la nourriture va, voilà, on passe à travers sans être... est vraiment utilisable par les corps. D'ailleurs, on pourrait faire un comparatif avec la façon de se médicamenter, ça, Bah, en fait, les médecines alternatives, si on prend les oligo-éléments, l'homéopathie, on doit le garder dans la bouche. Oui, très longtemps, avant de le digérer. Bien sûr. Alors qu'on est, la pharmacopée aujourd'hui, en tout cas, c'est... On ingère tout de suite avec de l'eau et ça ne reste pas dans les tables. Donc ça pourrait être aussi une étape importante. On a deux intérêts. Un, c'est justement l'introduction de cette salive en action. Et en plus, il y a une intelligence qui fait que la salive est exactement, déjà quand on voit par l'apprentissage, par l'expérience et par l'odorat, et déjà la salive est exactement telle qu'il faut, se produit en quantité nécessaire pour gérer les produits qu'on approche de la bouche. Mais il y a aussi l'autre côté, c'est que on a la mucosité, la tissu muso-mucal qui permet assimilation, absorber de manière directe aussi les nutritifs. Et par exemple, les gens qui boivent l'alcool, pourquoi ça va directement dans la tête? C'est parce que ça passe directement dans le cerveau sans passer par le système digestif, parce que c'est volatile et ça absorbe par les muqueuses. Voilà, c'est absorbé par la muqueuse. C'est comme l'homéopathie, on la garde en bouche, pas que c'est une muqueuse absorbée. Voilà, et ça, on nourrit directement le système lymphatique. Et les cerveaux, voilà. Donc ça, c'est ça. L'autre chose, c'était aussi au début du XXe siècle, et il s'appelait Weston et Prince, Weston Price, qui a écrit déjà dans les années 30 un livre qui s'appelait La nourriture et la dégénération de dégénération de l'humanité, quelque chose comme ça. Donc lui, il a voyagé dans différents pays et pour comparer, il était dentiste, donc pour lui, les signes de dégénération, c'est les caries et les problèmes dentaires. Et après, les systèmes des os, rachitisme. Voilà. Donc il a comparé la nourriture primitive des différents peuples avec la nourriture moderne. À l'époque déjà, c'était dans les années 30, il n'utilisait pas encore les pesticides, il n'utilisait rien. Mais déjà, la nouvelle approche à la nourriture standardisée, et pour lui, c'était après quelques décennies, la cause de cette dégénération qu'il a remarquée au niveau notamment des dents et des tissus osseux. Les os. Voilà. Et lui, donc, sa conclusion ne va pas plaire à ceux qui sont pour la nourriture et sans viande, parce que pour lui, c'était les fruits des mers qui apportaient ça. C'est-à-dire, d'un côté, les fruits de mer, et de l'autre côté, les blés, donc qui n'étaient pas encore trafiqués, voilà, qui n'étaient pas hybridés ou modifiés. Mais il disait la farine blanche, c'est pas bien, ouais. Parce que ça devient en restant stocké, donc ça déjà en moule, c'est mouliné, et après c'est stocké, il n'y a rien que du poison finalement. Et il décrit des cas des enfants justement qui étaient dans l'état horrible. Bon, je ne vais pas vous décrire tout ça, et le changement de la diète et notamment de blé complet et fraîchement moulu, parce qu'il dit qu'il faut manger fraîchement moulu, autrement c'est comme toi, comme tu dis pour les oxydes, voilà. Et comment ça s'appelle, les petites graines marrons, quand même, les lins, comme les lins, il faut manger, il faut mouliner dans un moulin à main, et lui il disait, donc c'est ça, c'est les laits écrémé, demi-écrémé, qu'il faut boire le lait complet, et surtout, parce qu'il a découvert, et ça on appelle facteur X là, des gens qui essayent justement combattre les caries de vente de produits, il faut intégrer dans la nourriture cette facteur X, qui est mystérieux un petit peu, et c'est rien d'autre que les substances qui sont développées par les blés et qui poussent rapidement, comme il est vert. Donc ça peut être blé, ça peut être sarrasin, ou d'autres blés. Mais il faut, donc lui, il voulait que les vaches mangent justement ces herbes de blé rapide, et la qualité de lait est différente et qui est justement très nutritive. Et par contre, je pense, bon, ça c'était dans les années 30, donc il connaissait pas beaucoup de choses, je pense, par rapport à nos découvertes concernant les substitutions des produits d'origine animale par les produits d'origine végétale. Donc je pense que maintenant Tout est possible avec l'actofermentation, avec la germinaison et avec d'autres choses pour nourrir les corps de manière correcte. Et d'ailleurs, c'est qu'on n'a pas dit, mais ça on répète souvent, que justement amélase, donc cette enzyme qui est nécessaire pour la bonne digestion des amidons, voilà, et elle est dans les pousses de germination, voilà. De germination, pardon. Et voilà, donc pour la salive, donc on pourrait peut-être encore dire des choses. Je suis sûr que j'oublie plein de choses sur la route. Sur la salive, en médecine chinoise. C'est que quand on crache, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui crachent, ça laisse les rats. Les rats, c'est l'énergie ancestrale. Voilà. Donc ça, c'est important de le savoir. Et en ce qui concerne de mâcher, comme les Japonais qui mâchent 50 fois avec conscience, etc., la matière, il y a moins de matière quand on l'avale. Par contre, on nourrit le prana, va au niveau du cerveau, il monte. Donc ça, c'est une nourriture incroyable. Donc quand on mâche, c'est-à-dire que c'est comme si on nous dit, quand on mâche, c'est comme si on buvait. Oui, c'est ça. Voilà. Il faut le solide devient du solide, voilà. Et on mâche l'eau. Toute l'énergie vitale de la nourriture monte dans des éléments supérieurs, au cerveau. Mm-hmm. Ça, c'est la vraie nourriture, en fait. Mm-hmm. On n'a pas besoin de manger beaucoup. Mm-hmm. Et c'est ça qui est important, et aussi que... donc, il considérait la salive qui a été créée par les glands sous, pas mandulaires, ou je ne sais plus, comment ça s'appelle, donc en tout cas ici, que c'est l'endroit où il y a la rencontre de l'énergie de la terre et de l'énergie du ciel. Et c'est ça qui est justement, qui rend cette salive d'une certaine façon sacrée. Et moi, donc, je me suis rappelé un bon aspect de cette salive qui est abandonnée, c'est l'amour et les soins de soi et soins de l'autre. Donc on sait bien que les chiens, tous les animaux carrément, ils se soignent, donc les mères, ils lèchent la progéniture. Il y a quand il y a des, et ça je peux confirmer, les lapins, chez les lapins je l'ai vu, les lapins qui viennent lécher les yeux, surtout les visages, et qui aident à soigner les oreilles. Par exemple, quand il y avait myxomatose, un lapin, il était tout le temps à côté. Elle, par contre, elle a grignoté plus que les chiens. Donc ça dépend encore, il y a des méthodes plus douces, plus brutales, disons. Parce qu'elle était pour ablution et lui, il était pour les soins doux. Parce qu'ils avaient myxomatose un après l'autre, ils n'avaient pas en même moment. Et donc je vous ai parlé de les liaisons, les coupures, les choses comme ça, on peut se soigner avec la salive. Le chien, il le fait d'office. Bah oui. On dit la salive du chien est désinfectante. Et ils lèchent leurs blessures. Bah oui, oui, oui. Et d'ailleurs, il y avait un temple en Grèce antique, je crois, où il y avait les chiens qui soignaient la cécité des gens. C'est-à-dire, les gens venaient et les chiens léchaient les yeux. Et apparemment, c'était considéré comme la méthode de soigner les... Voilà. Ça n'arrange pas les ophtalmos, ça. Non. Ah, justement, on est... On est dans l'histoire où la médecine n'est plus la médecine telle qu'elle devrait être. Et tout est gênant. C'est-à-dire, ils sont là seulement pour avoir le plus de clients et de vivre sur le malheur des autres. Voilà. Et bon, ça, je vais couper, je crois, dans l'enregistrement. Mais il y a un autre aspect aussi, et dans les cultures orientales, on croyait. Et d'ailleurs, dans l'ancien temps, on croyait aussi, les filles avaient peur d'embrasser les garçons parce qu'elles pensaient de tomber enceintes et seulement avec la salive. Et effectivement, dans l'Orient, on pense que la salive, ça engendre aussi, c'est-à-dire que quelque part, ça peut... Et la femme ne peut pas tomber enceinte s'il n'y a pas en même temps l'engendrement par la salive de son partenaire. Et je ne sais pas si vous... il y a quelque chose, effectivement, quelque chose d'extraordinaire quand il y a des personnes qui s'aiment et qui s'embrassent, et il y a cet échange de... Apparemment, pendant un baiser de 10 secondes, on échange 80 000 bactéries. Et donc, c'est assez important. C'est une sorte de vaccination. On peut aussi, pense que ça peut soigner, si on sait qu'il y a des anticorps dans la salive aussi. Et par exemple, on imagine la situation comme ça. Il y a deux personnes qui s'aiment. Il y a une personne qui tombe malade. Ils s'embrassent, les bactéries de la maladie ou les parties, les germes de maladie sont transportés dans le corps de l'autre personne qui a une immunité beaucoup plus solide. Elle combat la maladie, elle développe les anticorps, ils s'embrassent de nouveau et les anticorps, avec l'information comment combattre les germes, sont transmis à la personne malade, et comme ça, elle développe une résistance à cette maladie. Donc, par contre, les scientifiques, parce que déjà, c'est les problèmes qui étaient étudiés par les scientifiques, ils disent effectivement, par exemple, la femme peut d'être immunisée contre la variole. Par contre, il déconseille le changement de partenaire. C'est-à-dire que la monogamie, c'est quelque chose qui est important, parce que donc, d'un côté, moi, j'imagine quand on s'est unis, et notre corps commence à se rassembler, on devient un corps, pas seulement de manière sentimentale, mais aussi, quelque part, nos milieux internes commencent à se devenir semblables. Et voilà, donc ça c'était peut-être une... Et quand au moment où on change le partenaire, il y a cet déséquilibre, il y a des choses qui peuvent nourrir ou qui peuvent, justement, il parlait des varioles, que la femme, elle peut développer cette variole qui est très dangereuse pour l'embryon et le développement de fœtus, et parce que, justement, il y avait des différentes souches de maladies qui se présentaient. Bon, ça, je vous répétais ce que j'ai lu. Et donc, moi, je pense que c'est très intéressant qu'il y a, par exemple, des personnes qui sont intéressées par un sujet, qui lient un livre, et après, parce qu'on ne peut pas lire tous les livres du monde, et partager leur lecture, ça, ce serait très, très appréciable, je pense. Voilà, ça, c'est en parallèle. Donc, est-ce que pour la salive, on a tout dit ? Donc, on va passer, sinon, à l'histoire de l'énergie, parce qu'on sait tous qu'il y a... on sait tous parce qu'il y a des traditions orientales qui nous les disent, mais il y a aussi la photographie des Kyrian, c'est ça, ça s'appelle Kyrian, donc qui montre que tous les... Les objets, notamment des corps vivants, ils émettent une sorte de, ils sont entourés d'une sorte de champ énergétique dont la nature n'est pas tellement connue. Ça peut être électrostatique, ça peut être électromagnétique, ça peut être une sorte différente d'énergie. Donc quand on parle, il y a des corps et la aura autour de l'homme, donc il y a plusieurs sphères, il y a des gens qui peuvent les détecter. Et par contre, pourquoi j'en parle ? Parce que, quelque part, ça peut nous servir à nous soigner. C'est hier, on a parlé de... comment tu disais ? L'inconscient vital, c'est-à-dire que le corps, quelque part... il est une exemplification, une matérialisation d'une énergie universelle, et on est toujours quelque part cette force vitale et universelle qui est en nous. Et moi, j'imagine ça comme une sorte de matrice, et une sorte de trame sur laquelle les corps se constituent. Et que, par exemple, quand on parle de génétique, on dit toujours c'est comme un logiciel informatique, il y a c'est un programme qui explique comment construire les corps, comment agir, etc. Mais aucun logiciel ne marche pas en dehors des systèmes d'exploitation. Donc, c'est-à-dire qu'on a seulement quelque chose peut-être qui nous permet de gérer les choses d'une certaine façon. Il y a découvert des épigénétiques aussi qui modifient cette vision-là de génétique. Et donc, si on est effectivement construit sur cette trame, et on doit être aligné là-dessus, et notre bonne santé, elle serait peut-être liée à la manière, parce que Ayurveda, par exemple, on parle souvent de déséquilibre, des déséquilibres qu'on peut comprendre comme justement qu'on dévie de cette manière originelle et naturelle pour notre corps. Et après, c'est quand on s'imagine que cette trame, c'est une nappe sur les tables, qu'il y a ça commence à s'enrouler, ce n'est plus lisse et ça, c'est pas beau et ça peut provoquer des problèmes. Donc il suffit seulement d'étirer et de remettre les choses à leur place. Et ça, c'est l'énergie qui peut le faire, parce que très souvent en plus, ces perturbations, ça vient de perturbations énergétiques. C'est pas seulement le poison qu'on ingère ou les ondes magnétiques, la pollution ou d'autres choses, mais c'est aussi nos pensées, nos sentiments, notre joie de vivre, si elle est mise à mal. Ça tout de suite, ça provoque des troubles de fonctionnement des corps. Et moi, je pense même que cette histoire, ça, on pourrait les traduire par la mauvaise conscience. C'est-à-dire que quelque part, quand on fait quelque chose qui n'est pas bien, même de manière inconsciente, et sans volonté, quelque part, notre conscience, elle enregistre, elle, on a ce qu'on appelle mauvaise conscience, et mauvaise conscience, ça nous empoisonne. C'est-à-dire, quand on fait le mal aux autres, on fait le plus grand mal à nous-mêmes, à ce moment-là. Et donc, s'il y a cette distorsion et par rapport à cette trame, et on peut essayer de réharmoniser les choses, et très souvent, la médecine quantique et la médecine d'aujourd'hui, elle mise là-dessus sur rééquilibrage, sur les réharmonisations et des choses. Et dans ce domaine-là, très souvent, vous voyez les praticiens, c'est les gens qui travaillent avec les mains, qui travaillent avec les énergies autour de la personne. Et on arrive à ces problèmes de bioémanation que je pense que c'est le plus neutre, parce que quand on dit magnétisme, c'est comme si on limitait seulement au champ magnétique. Et quand il y a la médecine quantique qui, finalement, on décrit les mêmes opérations, les mêmes soins, mais on utilise différentes choses. Et ça, c'est quelque chose qui est connu depuis des millénaires. On parlait que Jésus, d'ailleurs, il soignait avec la salive aussi. Les personnes aveugles, infirmes, il soignait avec la salive, mélangé avec le boue, des fois. Mais il soignait aussi avec la position des mains. Et on sait que quelque part, on a tous cette possibilité de se soigner nous-mêmes d'abord et soigner les autres grâce à notre énergie, à l'énergie directe, c'est-à-dire en toucher, ou et même sans toucher par émanation de mains, et on peut, Laure est le spécialiste de langage des signes, on peut soigner aussi avec les signes. Il suffit qu'on agisse sur une des dimensions des corps humains. Ça ne peut pas être forcément les systèmes psychosomatiques. Bon, ce n'est pas forcément somatique, ça peut aussi être psychologique. Et même, on peut soigner avec les regards, on peut soigner avec les souris, avec les gentils mots. Il y a tout qui... On a les pouvoirs, finalement, et on ne se rend pas compte quelle force, parce qu'on dit on peut tuer quelqu'un avec un mot, mais on ne dit pas qu'on peut quelqu'un soigner, on peut sauver avec un mot. Voilà. Et avec le... Surtout, pas forcément la pensée qui est verbalisée, mais avec la pensée qui est transmise de manière directe, comme par les gestes ou par les regards, tout simplement. Oui, mais je me suis éloigné de... Ah oui, donc on était avec... Parce que toute l'histoire, c'est... S'il y a les causes qui nous déséquilibrent, il y a aussi des causes qui, en contrepartie, ils peuvent faire revenir les choses. Donc, sauf, bien évidemment, s'il y a quelque chose qui est détruit de manière permanente, mais on ne connaît pas tout, parce qu'il y a des animaux, par exemple, qui peuvent, même s'ils perdent un membre, ils peuvent les régénérer. Et apparemment, quand on fait la photographie kyrienne, la main, par exemple, on coupe un doigt et après on fait la photographie, ce doigt, il existe toujours là. C'est-à-dire que les trames existent. Donc, il suffirait seulement savoir comment on les fait. Et il y a un russe, j'ai entendu parler, qui dit il suffit de vouloir. Et par exemple, les dents qui sont arrachées, qui ne sont plus là, ils vont commencer à repousser, etc. Bon. J'ai jamais vu personne encore. Tu connais quelqu'un? Grabovoi. Ah, c'est ça. Grabovoi. Grabovoi, voilà. Avec les chiffres. Bon, je pense que si on croit, peut-être on arrivera à un certain moment de choses deviennent comme ça familières, parce qu'il faut savoir quelque part, je pense, je crois, qu'on est... Et envahi par les blocages, il y a tout ce qu'on est entouré partout. Et... On nous a enlevé cette connaissance déjà. On nous a enlevé. Voilà, et on a enlevé les foi quelque part. Parce que moi, je l'ai dit tout à l'heure déjà, on vit toujours dans le paradis, parce que c'est ça, quand on regarde avec les yeux ouverts, on voit qu'on vit dans le paradis. Tout est là. Par contre, on nous a fait croire qu'on vit dans l'enfer, et alors on vit en conséquence, comme si on vivait. On croit et on accepte tout là maintenant avec les crises qui arrivent. On voit bien que les gens, pour eux, c'est naturel. Voilà, l'épidémie, tout le monde est malade, même si je vois personne qui est malade, tout le monde est malade. Et on accepte bien. Maintenant, on va accepter les pénuries peut-être, d'énergie, etc. Donc, quelque part, on fait confiance, on ne fait plus confiance à la nature des choses, on s'est fait embourber par la connaissance, justement. On fait toujours, parce que je crois qu'on a toujours le choix, et on a ce discernement entre ce qui est bien et ce qui est mal, et il suffit seulement qu'on devienne conscient quand quelque part notre habitude, notre facilité, les conforts, etc., qu'on s'est dit c'est pas les bons chemins, parce qu'on voit que ça mène dans le mur, il suffit changer la vision du monde, et peut-être à ce moment-là on commencera à découvrir, comme d'ailleurs depuis quelques années c'est le cas. On a les réveils, il y a encore 20 ans, si quelqu'un m'avait parlé des choses comme ça, je me suis dit il est illuminé, allumé, il peut dire ce qu'il veut. Il a trop fumé. Voilà. Donc là, maintenant, donc, si vous voulez, je vais vous parler de quelques de mes expériences avec justement la bioémanation, parce que donc, je suis polonais, et dans les années 90, en Pologne, il y avait un monsieur qui s'appelait Uchas, je pense, c'était un retraité militaire, qui avait sciatique très, très avancé, et il était à l'hôpital et il s'est endormi avec la main sur la tête. Et il s'est réveillé une demi-heure après, et il était étonné qu'il n'avait plus de mal. Et il a fait comme parce qu'il étudiait, son hobby c'était étudier les cerveaux, les relations entre les organes du corps et les parties du cerveau. Et il a fait la corrélation, il commençait à étudier des choses, et après il a confirmé cette idée, et il a développé une méthode qui concernait à tenir la main pendant 40 minutes, disons, dans certaines positions. Il y avait 6 positions comme ça, et pour s'auto-guérir, mais on pourrait aussi faire ça pour les autres. Et donc il donnait de conférences, et il y avait quelqu'un qui a noté les scripts, et il y avait après un malin qui a dit non, tout est faux, moi j'ai publié un livre, c'est la vérité, là c'est nocif. Parce que vous souvenez, très souvent on dit, quand quelque chose est bien, on dit non, il faut surtout pas faire ça, parce que pour les salives par exemple, on dit les salives, c'est vrai qu'on peut contracter une maladie, mais il y a plus de choses positives que... Voilà, la maladie, ça peut arriver de temps en temps, mais au quotidien, c'est positif. Il ne faut pas se priver de ça, comme les relations entre les humains. Et donc lui, il a dit, il a vendu 2 millions d'exemplaires. Il a même dit, depuis depuis le moment où les livres étaient édités, c'est prouvé que les Polonais vont beaucoup mieux statistiquement, que la santé est beaucoup mieux. Et c'est, bon, c'est quelque part, c'est, ça, forcément, c'est pas être faux. J'ai vu des témoignages de gens qui avaient les pieds gangrénés après le diabète, parce que le diabète, souvent, ça va vers... Donc, il devait avoir l'amputation, et il a entendu de cette méthode-là, il a fait, et il a évité. Il s'est soigné avec, et donc il y a quelque chose qui est vrai dedans, je crois. Parce que moi, je crois plus aux témoignages de gens que de fois de gens qui vendent quelque chose, parce que eux, ils peuvent vanter des choses en disant, voilà, les gens vont acheter. Mais les gens qui n'ont rien à vendre, qui partagent leur vécu, ils n'ont pas l'intérêt, voilà. Démentir, ils peuvent colorer un petit peu, mais peut-être c'est... ou ils ont peut-être volonté de nourrir aux autres, bon, ça peut arriver aussi. Et donc cette livre s'est vendu en beaucoup d'exemplaires. Pour moi, je le savais depuis des années, mais je me suis dit, mettre la main sur la tête et après 2 minutes déjà on en a marre, c'est pas possible de tenir, donc j'ai abandonné les histoires, mais à un moment, je me suis rendu compte qu'on est allongé. D'ailleurs, ce monsieur, il a découvert ça sur les lits de l'hôpital. Quand on est allongé, on peut tenir la main tranquillement, même s'endormir avec la main, etc. Et moi, j'ai eu aussi un sciatique. Et donc, j'ai d'abord un sciatique que j'ai soigné avec l'eau de mer. Ça, c'était révélationnel aussi. Et le suivant, qui était plus léger, j'ai soigné avec ça. Il suffit comme, mais moi j'ai modifié un petit peu la méthode, je mettais la main sur l'endroit qui faisait mal et l'autre sur la tête. Et ça, après certains moments, je pense qu'il y a des chemins qui se sont développés. Et j'ai comment, voilà, maintenant par exemple, je mets la main sur mon dos et je sens tout de suite la chaleur. Et il y a des gens justement qui, cette chaleur, c'est un signe qu'effectivement il y a une énergie qui passe. Une énergie conscience. Voilà, donc je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est, mais moi j'imagine que peut-être justement c'est l'histoire de l'énergie harmonisante, que quelque part il y a une distorsion dans les corps et en mettant la main, on aligne, on donne l'énergie à redresser les choses de mon expérience, ce que je peux dire, que même quand il y a des accidents, disons, plus graves, par exemple quand on se cogne et il y a le bleu qui se prépare, ou dans mon cas aussi, je me fais piquer par une guêpe, à position de main, ça règle les choses, parce qu'on réagit immédiatement. Et quand j'ai maintenant encore un torticolis, et je fais immédiatement en 30 secondes, une minute, ça part. Voilà, donc c'est quelque part, et quand il y a une contusion, un traumatisme, si on réagit immédiatement, on peut aligner les choses. Et Laure, elle a aussi de son expérience à dire avec un enfant accidenté. Oui, une fois, donc, un petit garçon qui est passé derrière un joueur de pétanque, au moment où il a lancé la boule, donc en fait il a reçu un coup donc fort, hein, parce qu'on sait que quand on met un objet dans une main, le choc, et donc du coup on est intervenu tout de suite sur sa blessure. Il n'était pas ouvert, juste une petite, mais par contre le choc aurait généré quelque chose d'énorme, quoi. Et en fait on a été deux à lui faire des soins énergétiques, et le lendemain avec un complément, avec de l'arnica, des choses comme ça aussi, hein, et il n'y avait rien. Et les parents, ils n'étaient pas forcément initiés à ce genre de soins, mais ils étaient bluffés. Et, enfin, moi aussi d'ailleurs. C'est toujours bluffant, en fait, de voir que ça. Et moi, en fait, au moment où je suis passée, j'ai eu extrêmement mal à la main. Quand c'est des chocs comme ça très forts, c'est-à-dire qu'il y a une concentration à un endroit, et donc du coup, on sent que l'échange avec soi, quoi, on aspire, on enlève, et on évite, en fait, la stagnation. Et en médecine chinoise, on dit, ils disent que tant qu'il y a du mouvement, il y a de la vie, et quand il y a de la stagnation, il y a de la maladie. Et on voit l'image de l'eau la rivière qui coule, tant qu'elle coule, elle est saine. Dès qu'elle est bloquée, elle peut commencer à croupir. Et donc, dans notre corps, en fait, on est rempli d'eau et de plein de choses, de liquide. Et que donc, du coup, c'est ça qu'il faut entretenir de par notre hygiène de vie, nos pratiques, hein, de la marche, des choses comme ça. Mais qu'il faut éviter ces blocages de circulation qu'on appelle énergétique. Et l'émotionnel va être un gros facteur de blocage. Blocage énergétique. Donc, maladie. Voilà, c'est ça. Parce que voilà, on digère les émotions dans notre corps. En fait, on n'est pas imperméable. Ouais. Voilà. Et donc, en prenant conscience de ça, et aussi pour revenir à ce que tu disais, c'est que de ce qu'on m'a transmis, en fait, et je trouve ça très juste, c'est-à-dire que nous, en Occident, on se voit morcelé. On a une vision de nous, voilà, qui n'est pas unie, globale. Et souvent même entre le ventre, juste le bassin, nous, on se conçoit en fait dans notre circulation énergétique comme ça. Et donc, on nous disait, c'est pas étonnant qu'on finisse par faire des pétages de plomb, hein, ou des burn-out, ce qu'on appelle comme ça, parce qu'en fait, on ne va jamais chercher l'énergie à sa source, puisque ça part au pied, ça part à la terre, hein, ciel. Et alors que, voilà, le circuit, il est terre-ciel, donc tête, pied, etc. Et que bah, nous, dans notre construction, a priori plutôt occidentale, on ne cultive pas. Et l'erreur de la médecine allopathique, elle est là aussi. C'est ça, exactement. On ne prend pas tout l'ensemble en considération. Voilà, et cette notion d'unité, elle va plus loin parce qu'on n'est qu'une partie de l'univers, voilà, de tout ce qui nous entoure. Et donc, on revient à la philosophie des peuples premiers qui se disent être équilibrés que quand ils sont en harmonie avec la nature, les animaux, voilà, les éléments. Et c'est ça l'unité. C'est pas que l'unité avec soi-même. C'est, voilà, il faut prendre tout ça en compte. Il y aurait beaucoup à dire sur un souffle d'énergie terrestre qui, depuis le début de la TSF, de la télégraphie sans fil, est pollué de façon absolument abominable. Et ça va toujours plus loin. Déjà, rien que le courant électrique de nos réseaux électriques, le retour par la Terre, ça influence tout, c'est l'abomination. Hein, toutes les ondes qui s'additionnent et qui perturbent justement notre énergie propre. Là, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Pour ce qui est de la nature de l'énergie, ce qu'on appelle l'énergie vitale, l'énergie cosmique, tout ce qu'on voudra. Il y a des travaux très intéressants qui ont été faits, entre autres, par un professeur, un physicien allemand, Constantin Meil, avec, entre autres, Luc Montagnier, sur les transferts d'énergie. Des travaux, ils sont partis des travaux de Ben Ménicht, que malheureusement pour lui, il n'avait pas assez de technologie à l'époque pour les reproduire de façon, on dira, plus ou moins systématique, pour démontrer que vraiment il y a quelque chose. Lui, il essayait de démontrer comment fonctionnait l'homéopathie. Puisque après 7 CH, il n'y a plus rien de la molécule d'origine dans le produit. Hein. Donc, ils ont repris ces travaux de Ben Ménicht et ils ont pris, par exemple, de la férule dans l'une, ils ont déposé des cellules cancéreuses, et dans l'autre, ils ont déposé les mêmes cellules saines. Ils les ont soumises à un champ d'ondes qu'on appelle scalaire, et c'est après très peu de temps, quelques heures, les cellules saines sont devenues également cancéreuses. Et ils ont fait dans les deux sens, et dans les deux sens, ça fonctionne. Bien entendu, les fioles étaient parfaitement fermées, n'avaient aucun contact l'une avec l'autre. Disons, c'était uniquement donc le champ d'énergie de ces ondes scalaires qui ont transféré l'information d'une fiole à l'autre. Il y a un vétérinaire, Hervé Janessec, dans la région de Bessayé d'ailleurs, qui utilise l'appareil que Constantin Meil a développé, qui s'appelle le SWD, Scalario Davis, pardon pour l'accent anglais, et il l'utilise bien sûr dans sa pratique vétérinaire, et ça fonctionne, c'est-à-dire qu'ils mettent un animal entre un émetteur et un récepteur, donc scalaire, ils mettent par exemple une huile essentielle sur le récepteur de l'appareil, et ça fonctionne. Donc, d'après Constantin Meil, ce serait des particules qui sont émises en très grande quantité, entre autres, surtout chez nous, par le soleil, mais aussi qui circulent dans l'espace, qu'on appelle les neutrinos, et qui, justement, du fait de leur presque neutralité, ils ne sont pas tout à fait, sans masse, disons, mais ils sont électriquement, on dira, je schématise, électriquement neutres. Et ces particules auraient la capacité de transporter de l'information. Donc, d'après Meil et d'après les travaux qu'il a fait aussi avec d'autres biologistes, ce qu'on appelle un magnétiseur, quelqu'un qui arrive à faire des soins à distance par téléphone. C'est pas du magnétisme. Voilà. Donc, canaliserait, arriverait à canaliser ce champ de neutrinos et à le charger positivement, on dira, et de l'envoyer vers la personne. Réceptrice. La particularité de ces ondes scalaires, je ne vais pas aller trop loin dans la technique, et je ne veux pas surtout pas squatter ton intervention. La particularité de ces ondes scalaires, c'est qu'elles ne se diffusent pas comme les ondes hertziennes partout en s'affaiblissant avec la distance. Elles ont la particularité, lorsqu'il y a un récepteur qui est synchronisé sur l'émetteur, de ne se transférer qu'entre ces deux points. Mm-hmm. C'est d'ailleurs avec ces ondes-là que Nikola Tesla travaillait. Mm-hmm. Oui. On sait que ça traverse la Terre. Et lui, il le disait d'ailleurs lui-même, ce n'était pas un théoricien, c'était un praticien, disons. Mm-hmm. Et quelque part, d'après ce que j'ai appris maintenant des ondes de ses travaux, il vaudrait peut-être mieux qu'il n'ait pas abouti. Parce qu'on ne sait pas ce que ça aurait donné. Il y a déjà assez de dégâts avec les ondes électromagnétiques. Voilà, je reste là. Bah oui. Et d'ailleurs, il y a aussi d'autres personnes, scientifiques, par exemple Marcel Violet, il parlait de cet abaissement de forces vitales dans la nature. Mmh. Donc, il disait ça pendant une conférence dans les années 70, mais il disait que des années 50, on a remarqué déjà justement la disparition des espèces et des affaiblissements des pouvoirs de reproduction, par exemple des pommes de terre, des choses comme ça. Et de l'autre côté, donc il n'a pas dit que c'est à cause des ondes, moi je me suis dit que ça doit être à cause des ondes électromagnétiques, mais par contre, dans sa théorie, il y a la vie, c'est pas vrai que la vie était créée il y a des milliards d'années et s'est développée depuis. Pour lui, la vie est en train de se créer à tous les moments grâce justement à cette onde cosmique qui vient et qui crée derrière, c'est-à-dire il suffit de l'eau, parce que lui il faisait d'expérimentation, il enfermait l'eau qui était stérilisée dans des trucs soudés, et il mettait les ondes scalaires ou polarisées, et ça faisait créer la vie, voilà. Mais la vie existe partout, justement. Ouais. C'est les micro-zimas, ils sont partout. Ouais. Ouais. Si vous avez écouté des conférences sur les micro-zimas, on en a dans notre corps des micro-zimas, et c'est eux qui créent la maladie, en fonction de ce que l'on pense de l'énergie qu'on renvoie. Comment tu écris Microzima? Microzima. Il y a plein de conférences qui ont disparu, j'ai pu les récupérer. Mais j'en ai plusieurs en parallèle. C'est Antoine Deschamps qui a découvert ça, justement. Ouais. Et il était un grand bise-bise avec Pasteur. Avec Pasteur. Oui. Pasteur, un peu sœur. Et lui, il avait raison, justement. Ouais. Parce que les virus n'existent pas, c'est nous qu'on crée la maladie. D'ailleurs, il avait reconnu Pasteur à la fin de sa vie. Hein. Oui, mais... C'est là il avait tout piqué aux autres et après, il a reconnu. Si vous avez, si ouais. vous, c'est la peur qui crée la maladie. C'est le stress, la peur qui vous crée la maladie. Le stress, c'est... Si vous n'avez pas peur, moi, j'étais en contact avec des gens qui avaient le virus, ou des gens de virus, je n'ai pas eu, non. J'ai été soigné, je leur apportais de... Du MMS, je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est que le MMS. Ah oui, oui, et on en parlera après. Ah bah, c'est quoi? J'en ai compté, j'ai dit à l'enfant, je t'ai guéri. Mais il m'a dit, surtout ne m'approche pas, j'ai dit quoi, je ne dois pas t'approcher. Mais je peux faire la vie si tu veux. J'ai pas peur, de la maladie. C'est ça. Je ne peux pas l'attraper. Bah le MMS, tu risques rien. Comment? Avec le MMS, tu risques rien. Ah oui, oui. Moi j'en ai vu des litres. C'est autre chose. De quoi? Des gouttes. Des gouttes, mais des litres pour en boire. Des quoi? De quoi? Des litres. Non, mais de quoi? Le MMS. Dioxyde de chlore. Dioxyde de chlore. MMS ou CDS? Pour nettoyer l'intérieur. Maintenant, il est surtout présenté sous le nom CDS. Ben non, c'est deux choses. C'est, disons, c'est suivant la fabrication. Si vous voulez, le CDS, c'est le MMS en emballage. Parce que c'est du chlorure de sodium mélangé avec un acide. Ouais, et on sait que si vous mélangez un acide avec de la javel, ça fait un gaz moutarde. Voilà. Ouais, et donc le produit actif, c'est le gaz. Donc vous mélangez le produit, ça fait une coloration qui devient jaune foncé. Et quand ça met une couleur ambre, vous rajoutez de l'eau, vous le buvez. Mais là, vous allez voir donc, les résidus de sel. Par contre, si vous l'injectez, si vous faites du CDS, c'est-à-dire que vous allez prendre un bocal d'un litre, vous allez remplir d'eau jusqu'à un certain niveau, vous allez plonger un verre dedans pour pas que l'eau pénètre dedans, donc un petit peu plus haut que le niveau d'eau. Vous allez mettre vos gouttes dedans, vous allez refermer le bocal, et le gaz va s'évaporer, il va se mélanger à l'eau, parce que ce gaz, il est miscible dans l'eau. Voilà, puis on va le faire deux fois. Et donc, bah, suivant si vous prenez justement, il y a plusieurs écoles. Moi, je le fais en une heure, j'arrive à le faire radicalement en une heure. Hein. Le CDS. Il y a plusieurs écoles. Alors, soit suivant la cible que vous utilisez, il faut le faire en deux fois, mais là, je ne comprends pas pourquoi. Parce que je peux très bien faire en une fois. Alors, une exemple de l'acide chlorhydrique à 0,4% ou à 4%, et d'autres de l'acide citrique. Moi, je prends l'acide citrique. Tu mets du citron, le jus de citron. C'est pas le jus. Ouais. Avant, je mettais du jus de citron. C'est pas pareil. Alors, vous pouvez le faire avec du vinaigre aussi. Il faut prendre un acide, n'importe quel acide. Alors, suivant l'acide que vous allez prendre, vous allez doser plus ou moins. Vous comprenez? Alors, donc, pour en venir au CDS, ben, une fois que votre CDS il est fabriqué. On enlève le verre de dedans et on garde le. Moi, j'arrive à boire le bocal d'un litre dans la journée. Hein. Oui, mais c'est dosé bas. Ah, dosé bas, je mets 3 millilitres dedans. On a 3 millilitres pour un litre. Et oui, ouais. Mais tu progresses pas comment? Ah, oh, mais il y a 15 ans, je pense à moi. Ouais, d'accord. Mais maintenant, ça ne fait plus rien. Et je non, vois les litres, il est vraiment foncé et tout. Tu as besoin de toujours en prendre? Ben, on le sent sans arrêt, on est avec les chemtrails et tout. Mais vous êtes parasité sans arrêt? Oui, oui. Dans le ciel, les lignes, les bactéries. Sans avoir d'envoi des virus, des bactéries, des saloperies. Mais ils balancent n'importe quoi. Donc le corps, il faut les élimine. Donc on peut dire, oui, mais les hautes vibrations aussi enlèvent. Ça détruit les bactéries. Ça détruit tout ce qui a rien à faire dans le ciel. Et les bactéries positives. Non, non, ça détruit tout ce qui a rien à faire, tout ce qui est mauvais. Ce qui est bon, ça détruit pas. Il a toujours fait ça ne détruit pas ce qu'il veut. Moi, j'ai entendu que ça faisait fou. Il faut pas le voir en même temps que la vitamine C. Oui, ça se. Avec la vitamine C, elle élimine l'acide de chlore. Le dioxyde de chlore. Toutes les autres, on voit bien. Ça fait que je peux prendre les deux dans la journée. Regarde. Mais c'est passé d'une douzaine de Je pense, si vous permettez, encore il y a une chose importante dans les corps. Et ça, c'est la puissance, mais aussi c'est quelque part la faiblesse du corps, c'est que le corps s'adapte. Elle revient. Donc je disais que ce qui est important aussi, c'est la capacité d'adaptation, parce que le corps, je pense, et d'ailleurs toute la vie, c'est l'économie, c'est l'optimaliser des choses. C'est-à-dire, si on a besoin de quelque chose, le corps fait tout pour satisfaire ses besoins. Si on n'a pas besoin, si on n'utilise pas quelque chose, ça diminue et ça peut devenir obsolète. J'ai oublié de dire, par exemple, quand on marche, il faut marcher bien de deux côtés, parce que si on marche seulement d'un côté, on utilise, on produit seulement la moitié de cette salive. Et d'ailleurs, il faut marcher aussi parce que si on n'utilise pas les dents, et ça c'est les défauts justement, on a dit que les repas modernes, elles sont tous pas seulement cuites, ramollies, mais très souvent moulinées, et on disait que c'est comme pour les personnes sans dents, les personnes âgées à la maison des retraites qu'on nourrit justement avec une bouillie comme ça. Et que les dents, pour avoir les bons dents, belles dents, il faut les forcer, il faut les utiliser, les faire travailler, comme ça le corps. Voilà. Et, un nettoyage à l'automne, c'est une cuillère à soupe d'huile bio de sésame en bouche, et pendant 20 minutes. Ah oui, il faut la garder en bouche. Vous la gardez 20 minutes et puis vous crachez. Et avec toutes les mauvaises bactéries. Bon, les Indiens font ça comme hygiène quotidienne tous les matins. Et si ça ne marche pas suffisant, ils ont un grattoir aussi pour gratter la langue. Oui. Voilà. En fait, avec le grattoir, le matin, vous éliminez tout, pas les miasmes, mais parce que la langue, il y a tous les organes, vous éliminez les dépôts de tous les organes. Et si vous n'avez pas le racloir, quand vous comprenez, une cuillère à café. Plus gratter qu'à cuillère. Ça, c'est très important. Et c'est qui est, pourquoi ça vient comme ça? Parce que la production, donc on produit à peu près 1 litre de salive dans la journée, mais la nuit, cette production diminue. Parce qu'on pourrait, imaginez-vous, 1 demi-litre déversé de salive sur l'oreiller. En plus, ça ne sert à rien. Mais le problème, c'est que justement, salive, ça entretient l'hygiène de la bouche. Donc, c'est-à-dire que le matin, les bactéries qui ont profité la nuit pour se développer, parce qu'il n'y avait pas la salive qui faisait l'ordre. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que la salive, elle est mousseuse. C'est-à-dire qu'elle a une capacité un petit peu comme savon. Et ça sert justement à enfermer dedans elle met les bactéries dans la boule, comme ça elle les fait partir dans les régions où c'est difficile à survivre pour la bactérie. Donc, et c'est pour ça que le nettoyage du matin, ça a du sens peut-être, parce qu'il y a justement plein de bactéries qui pendant la nuit, au moment où la salive n'était pas là, puissent développer. Oui, mais il y avait qu'il faut que si on pratique ce que vous dites, que la longévité, on va vivre plus longtemps. Mais c'est une prévention, c'est prophylactique. Il y a rien qui prouve ça. Les Indiens le prouvent. Ils ont des milliers de... Ils ont une expérience incroyable quand même. Et il y a des gens qui vivent longtemps. Mais c'est je pense que... L'hygiène de vie, en fait. Ouais. Je pense que la bonne réponse, c'est qu'il faut trouver le bon équilibre entre le... L'hygiène de vie, c'est nous qu'on s'impose. Est-ce que c'est la bonne vie, On sait pas, faut essayer. De toute façon, la longévité, le corps est vieilli, un jour on arrive à la mort, parce que bon, tous les organes vieillissent, le corps il marche moins bien, les cellules meurent petit à petit, c'est un processus normal de la nature. On ne peut pas dire les gens ils veulent être immortels, mais ils veulent être immortels dans le monde matériel, mais ils se trompent complètement. On n'est pas immortel dans le monde matériel, tout meurt ici. On est immortel dans le spirituel, dans le cosmos, parce qu'on a une âme qui est immortelle et qu'on va se régénérer ailleurs, et peut-être même sur Terre si on a envie de s'incarner. Mais ici, c'est un leurre. Les gens qui peuvent vivre jusqu'à 100 ans, mais imaginez si vous vivez jusqu'à 150 ans. Dans cette société moderne, matérialiste, qui est abominable pour l'être humain. Mais comment on doit s'emmerder si on vit jusqu'à 150 ans? Mais on va se suicider. Non, mais c'est dans les récits bibliques, les gens vivaient des centaines d'années. Peut-être. Oui, parce qu'ils n'étaient pas même vivaient pas dans le même, dans le même monde matérialiste que maintenant. Maintenant, on est formaté, quand vous parliez tout à l'heure d'hygiène ou de quoi que ce soit. On a oublié des choses. On est formaté complètement dès la naissance. Ça, oui. Et c'est vrai que le corps humain, on lui a dit non, on va te chauffer avec l'électricité, on va te chauffer avec le bois, on va te faire ci, il faut une voiture, il faut un iPhone. Et on perd toutes les capacités du corps humain, comme vous disiez tout à l'heure. Mais les gens commencent à s'éveiller, il y en a certains qui les retrouvent, les capacités. Quand la dame parlait qu'elle a soigné le jeune tout à l'heure, le gamin qui avait un choc, bon, il y a un blocage énergétique, c'est parce qu'elle a magnétisé, tout simplement. Oui. Voilà. Et si vous voulez, quand vous parliez tout à l'heure de... Soigner par de, la parole, par le... Non, de faire les choses à distance, oui. C'est-à-dire... C'est moi, je soigne à distance. Ah, voilà. Je le fais tranquillement. Mais de quelle façon? Pardon? Quelle est votre méthode? Ah, moi, je suis magnétiseur, je soigne à distance avec une photo en appelant le guide de la personne. Ah, voilà. Je peux aller jusqu'en Chine où je veux, et ça marche immédiatement, à la seconde près. Ça marche même mieux que quand la personne est présente. On peut même le faire. Je me permets. Quand quelqu'un tousse, moi ça m'est souvent arrivé. C'est-à-dire dans une salle de cinéma. Eh bien, par exemple, vous êtes en plein film et vous entendez mais une personne qui commence à avoir une quinte de toux. Terrible. Eh bien, plusieurs fois ça m'est arrivé, simplement de penser. Simplement de penser à cette personne. Ah bah oui, parce que vous êtes raccordé à elle. C'est incroyable. Ouais. Je ne sais pas. Oui. Je sais pas. La quinte de tour, madame, la quinte de tour. Ah oui, parfait. J'ai entendu, vous avez dit, ça marche immédiatement. Oui. Là, j'ai une confirmation, d'après toujours Constantin Meil, ces neutrinos arriveraient, lorsqu'ils sont... pris dans un champ, dans le scalaire, les ondes scalaires ont la propriété de se déplacer à des vitesses largement supérieures à celles de la lumière. Ah ben moi, voilà. Moi je sais que donc alors... ce qui fait, non mais c'est que je expliquerais que ça ce n'est pas du magnétisme, électromagnétique, mais c'est du magnétisme d'ondes scalaires, ce qui n'est pas la même chose, puisque ces particules-là se déplacent à des vitesses théoriquement entre 0 et l'infini. Théoriquement. Tesla déjà à l'époque avait, au début du siècle, avec les moyens qu'il avait constaté que ce qu'il produisait comme onde scalaire se déplaçait, d'après ses écrits, à 1,6 fois la vitesse de la lumière, déjà à l'époque, ce qu'il mesurait. Hein, donc voilà, alors Einstein avec ses 299 760 km/h de la vitesse de la lumière qu'il prétend être la limite absolue, s'est remis en question. Bon, c'est pas, moi je peux pas dire comment ça se déplace, mais j'ai magnétisé mon ami Dracus chez lui, et moi j'habite à Fayos, il habite à Ops. Je lui ai fait un truc qu'il a ressenti d'ailleurs. Mais je le fais à Lyon, je le fais à Paris, je l'ai fait à l'étranger. C'est immédiat. D'ailleurs, il y a des recherches qui ont été faites par les Américains, par les Russes et puis par d'autres, bien sûr, pour communiquer à distance entre les sous-marins et puis la terre ferme. Et si c'est pas par le verbe? Sur ce genre de support, justement. Sur une photo. Mais on voit l'invention sur la photo. Sur la photo. Non, moi j'ai une méthode, bon, que je suis autodidacte dans tout ce que je fais, parce que le reflet de l'âme, c'est le visage de la personne et les yeux. Oui. Quand vous voyez quelqu'un avec son visage et ses yeux, vous avez son âme. Donc c'est le reflet de l'âme. C'est le miroir de l'âme. Oui, tout à fait. Tout à fait, donc. Elle a une bonne question. Je vais lui répondre après. Donc dès que vous avez le miroir de l'âme, vous appelez le guide de la personne pour lui demander l'autorisation. Oui, bien sûr. De le soigner. On ne fait pas ce qu'on veut déjà. Ouais. Il y en a qui ont peur qu'ils se protègent. En plus, on peut se protéger si on veut. Parce qu'il y a des mauvais esprits qui se baladent partout. Et de là, à partir de ce moment-là, Bon, il y en a qui demandent, comme ceux qui font du Reiki, en disant au guide de soigner la personne, il fait juste l'intermédiaire. Moi, je soigne la personne, c'est moi qui le fais. Donc, je dis, je vais faire ci et ça et ça. Et après, je cible sur la personne ce que je dois faire et je remets en place. Maintenant, quand c'est cassé ou trop, des personnes trop âgées qui sont blessées, abîmées, on ne peut pas le soigner, on n'est pas miraculeux. Par contre, une chose... Moi, j'ai vécu des miracles. Oui, on peut faire. Mais pas avec, pas avec le magnétisme. Hein. Vous me direz c'est après. Plus puissant. Par contre, il y a une chose qui est réelle, c'est au niveau du, des membres, de tout ce qu'on a dans le corps. On a la partie astrale. Et lorsqu'on coupe quelque chose, la partie astrale reste. Parce que moi, j'ai travaillé sur quelqu'un qui avait un cancer de la glotte, qu'on a coupé donc la glotte. Et moi, lorsque j'ai travaillé sur lui, j'avais la glotte dans mes mains. Donc, sa glotte astrale. Donc, à ce niveau-là, on ne peut plus rien faire. C'est pour ça que je dis aux gens, je vous soigne si vous n'avez pas été opéré. Quand vous êtes opéré de quelque chose, quand vous a coupé quelque chose, je ne peux pas vous soigner. Parce que c'est le monde matériel qui agit et là, on ne peut plus rien faire. Mais est-ce que vous pouvez... S'il y a des cas... Attendez, elle disait quelque chose d'intéressant, cette dame. Oui, le miracle. Colette. Le miracle. De redéfinir le mot miracle. Miracle, moi, je pense travailler avec une énergie qui n'est pas la mienne. Ça, c'est clair. Ah, c'est possible. Canal. Je canalise. Mais je canalise différentes énergies, sans aucune prétention. C'est, je suis née comme ça, et quelque part, c'est pas toujours marrant d'ailleurs. Mais bon, après, on en tire le positif de ça. Et il m'est arrivé d'avoir des cas de personnes. Donc j'invoque le divin. On peut lui donner le nom qu'on veut. Je l'invoque, je me centre et je sens cette énergie. Donc cette énergie passe par moi et elle va chez la personne. Elle passe par la parole. Le canal. Par le canal. Et chez moi, c'est matérialisé. Par la voix. Donc je bénis en quelque sorte verbalement, mais il me vient les paroles qui doivent me venir, hein, face à l'individu, à l'humain, l'animal. Donc quelquefois, on peut appeler ça un miracle ou pas. Par exemple, une personne qui avait un cancer de la prostate, le médecin, il avait 39 ans, il lui avait dit dans votre âge, il faut l'enlever. C'est un exemple concret. Et lui, il lui a dit, je ne vous traite pas comme on traite un vieillard. Donc, on l'enlève. C'était le docteur Aniel à l'époque. Eh bien, lui, la fatalité a fait qu'il m'a rencontré. Non pas en tant que guérisseur, parce qu'il ne savait pas que j'avais ce pouvoir, cette possibilité, parce que le pouvoir, ça me dérange un peu, cette possibilité. Et donc, je l'ai... C'est pas un pouvoir. Un don. Un don. Pas. Tout le monde l'a, tout le monde l'a. Voilà, tout le monde l'a, on le développe. On le développe ou pas. Ouais. Donc j'ai accueilli sur cet être, cette personne, et il a eu 2-3 séances, et après il est allé voir son maître. Il lui avait donné un mois de réflexion. Quand il est retourné voir le professeur Amiel, il lui a dit, mais si c'est pas moi qui avais fait les premiers clichés, je douterais. Il n'avait plus rien, une prostate intacte. Donc, mais c'est une autre. Vous, ce que vous faites en sur photo, ou je ne mets pas en doute. Moi, je ne peux pas dire. Mais pour moi, c'est une énergie qui n'est pas la mienne, ça c'est sûr. Moi, je vous ferai des miracles plus grands que les miens. Il l'a dit. C'est l'énergie, oui, l'énergie plus forte. Il a dit, vous ferez des miracles plus grands que les miens. J'ai un deuxième cas, et en plus, ce que je fais, c'est bénévolement, donc je ne me vends pas. Hein. Je veux bien être tout le monde d'accord. Et une amie qui était en soins intensifs, et j'avais soigné sa sœur d'une... Elle avait, elle, une hanche, une dégénération, donc elle avait eu la hanche régénérée, de cette façon-là. Et sa sœur, elle avait été opérée du pancréas, pas d'un cancer, mais... Il lui avait enlevé une partie du pancréas. Et lors de l'intervention, elle a fait une rupture. Comment on appelle ça maintenant ? Le mot m'échappe. Enfin bref, elle avait une confusion, une rupture d'anévrisme au niveau de l'estomac. Elle avait tout l'estomac abîmé, quoi, mais sérieusement abîmé. Et à l'époque, c'était le professeur Balladur à Monaco, il lui avait dit, votre sœur n'est pas opérable. Elle n'est pas en état d'être réopérée. Donc il lui avait dit, je ne me prononce pas, ton pronostic vital est engagé. Alors elle m'avait dit, Colette, viens voir ma sœur en soins intensifs, puisque tu ne pourras pas l'avoir au téléphone. Je suis allée la voir en soins intensifs, donc j'ai accueilli directement. 48 heures après, elle a eu un examen de contrôle, un scanner, et elle avait l'estomac totalement régénéré. Et le professeur Balladur lui avait dit, là, il avait surnommé la miraculée du service. Et elle, eh ben, elle avait dit, vous avez, qu'est-ce que vous avez fait? Elle dit rien. Mais elle n'a pas osé dire qu'elle avait vu un guérisseur. Mais quelque part, il lui a dit, moi, je ne veux pas savoir. Mais vous êtes la miraculée du service. Et à Monaco, comme Nice, les gens vont à Laguet, à Notre-Dame de Laguet. Il lui dit, ben, vous pourrez aller mettre un cierge à Laguet, hein, parce que ça, je ne l'explique pas. Bon, ça, c'est deux exemples forts. Oui, tout à fait. Tu veux dire quelque chose, Michel? Oui, je voulais dire, quel est le chemin de la personne quand tu la guéris? Parce qu'en fait, si elle a une maladie, il faut qu'elle comprenne quelque chose. Et toi, tu interviens presque comme une baguette magique qui remet d'aplomb. Et est-ce que la personne fait un chemin de son côté? Oh, c'est ça qui m'intrigue là-dedans. C'est un spirituel. Jamais spirituel de son côté, parce que c'est bien beau de guérir quelqu'un, c'est bien. Mais je veux dire, si elle a une maladie, c'est qu'elle a quelque chose à comprendre. Ah non, mais je suis bien d'accord avec toi. Alors, après, la personne peut poser des questions. Ouais. Ou elle peut te rejeter. Hein. Elle peut aussi, te rejeter parce que tu la renvoies un souvenir qu'elle met de côté. Hein. Après, c'est son problème. Oui, on est tous responsables. D'accord. C'était deux cas d'urgence, voilà, on va dire. Mais après, je suis tout à fait d'accord avec toi, réglé, il y a un cheminement où, alors, tu veux instruire quelqu'un, tu peux l'aider et lui dire certaines choses que tu entends en plus. Mais des fois, tu ne peux pas toujours dire. Hein. Oui, parce que la personne n'est pas prête. Et si la personne n'a pas envie d'entendre. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Quand quelque chose arrive, quelle que soit la partie du corps, il y a une sonnette d'alarme. Hein. Oui, tout à fait. Forcément. Oui. Donc tu n'enlèves pas ça comme ça, quoi. Si tu enlèves ça comme ça, mais je veux dire, tu donnes quand même des informations pour que la personne comprenne ce qui lui arrive. Mais un cheminement intérieur. Cheminement intérieur, oui. Qui sera peut-être donc, après. On est tous là. Sauf si on est soumis à l'environnement pathogène que l'organisme n'arrive pas à gérer. Ça, c'est encore différent. Voilà, ça, c'est autre chose. Hein. L'environnement, par exemple, si c'est comme ça. Qui te crée la maladie. Mais toute maladie, elle est d'abord énergétique. Psychosomatique, j'aime pas trop le terme, mais enfin. C'est d'abord énergétique et elle se matérialise après dans l'organisme. Sarah, tu voulais dire quelque chose aussi. À un moment, bon, tu voudrais dire quelque chose. Après, je fais le même cheminement, c'est-à-dire que ce que je parle avec. Quand j'ai un patient, je parle avec lui. J'essaye de le mettre. Faire un travail sur lui-même. C'est souvent ce qui arrive en dépression. Il y a des gens qui sont malades, c'est la dépression. C'est eux qui le fabriquent, c'est leur cerveau qui le fabrique. Et c'est beaucoup les peurs. C'est les peurs qui font toutes les maladies. Et maintenant, dans ce système planétaire, matériel, les gens ont peur de tout. Et le gouvernement, il s'empresse de nous faire peur en plus. Pour asservir le peuple. Et les gens, ces peurs, ça engendre toutes les maladies. Mmh. Et donc, comme vous dites, vous, bon, il s'est guéri tout seul. Pourquoi? Parce qu'il s'est aperçu que c'est son corps qui a guéri lui-même. Pourquoi? Parce qu'il s'est aperçu qu'il était dans le mauvais chemin. Il a réussi à faire abstraction de ses peurs et de tous ces mauvais trucs. On appelle ça des pieux aussi. Il les a enlevés et il y a une autre génération, ouais, c'est sûr. Il y en a qui veulent rien comprendre aussi, si vous voulez. Vous avez des gens qui sont obtus, qui ne sont pas éveillés du tout. Hein. Ah ben oui, il y a encore des choses. On prend le temps. Pardon ? Il y a toujours des choses. L'important, c'est de leur laisser le temps. Oui. Je crois. Et tu ne peux pas aller forcer. Parce qu'ils sont dans la matrice totale de matériel. Tu finis ? C'est vrai que par tous les temps qui courent, on est confronté régulièrement. Hein. Combien de fois moi j'ai voulu convaincre de ne pas se faire injecter, parce que c'est même pas un vaccin, mais on ne peut pas. Si la personne. Et ça, des fois ça nous met en colère parce qu'on voudrait. Ah oui. On est conscient, mais on peut pas. Hein. Si la personne n'est pas prête à entendre. Enfin, ça nous va. On est en plein dedans. Ça dépend de leur histoire. Oui. Je disais que. Moi, j'ai connu des praticiens en médecine. Il y avait des internistes, des gens qui connaissaient tous les morceaux. Et on allait les voir parce que justement, ils soignaient une globalité. Oui, on les virait. Comme on a viré les gens qui travaillaient sur les plantes, les herboristes. On les virait. Ils ont été remplacés par les pharmaciens. Tous ceux qui avaient un petit peu de substance. On va y revenir à ça. Ils les ont balancés. Ça s'éveille. Oui, on est revenu. Mais c'est long, c'est bon. La veste, elle est Il y a plein de gens qui s'éveillent. Tu n'as rien. Même avec les technologies qu'on a actuelles, il y a des gens qui s'en servent pour éveiller, justement. Oui, si vous regardez, tout le monde a un téléphone, ils passent des messages sur Facebook, il y a des bons messages, il y a beaucoup de merde, mais il y a des bons messages. Oui. D'éveil. C'est vrai, il suffit de choisir. Oui, il suffit de regarder le message et de le comprendre, de le prendre. Ou d'être attentif à... Pardon ? D'être attentif à l'information qui arrive. Ouais, c'est ça. Oui, ouais. C'est ça. Alors, si on a un petit peu. Oui. Effectivement, le voit, ressenti, on le pas, ressenti. Le on ressenti. Voit pas, hein. Le ressenti. C'est important. Ouais. C'est... Non, mais après, je vais sur Internet, tu vas sur un truc. Ah, bah tiens, ça parle de ça. Ah, je sais pas, ça m'intéresse pas. En fait, non, c'est un appel. Ça arrive souvent. Bah oui, il faut se laisser emporter parce que finalement, on est là, ici, par. Une suite de coïncidences, des rencontres. Pas là pour rien. Voilà, chaque rencontre compte. Nous ne sommes pas là pour rien. Oui. C'est bien de faire un tour quand même. Oui, de chacun. Oui. Ça, oui. Ah oui, tout à fait. Chacun a ses expériences. Voilà, c'est bien. C'est très intéressant. C'est très positif, tout ça. Aussi, ça me fait penser à ce film où. Tous les prêtres là où les personnes qui sont dans je ne sais plus quel pays et qui parlent tous ensemble, ce beau film où ils ont été tous tués. Des dieux et des hommes. Oui, les dieux et des hommes. Les dieux et des hommes. Les dieux et des hommes. Ça s'est passé où ? Les dieux et des hommes. En Algérie. Ça s'est passé dans quel pays ? En Algérie. Voilà. Eh bien, je voyais la table, je voyais tout le monde qui parlait. Je me dis, mais on peut faire un film comme ça. on est... Je vous en parler. Je téléphoner. Je vous parle des ateliers d'écriture en France. De l'histoire des ateliers d'écriture. Comment ils sont arrivés en France? Alors maintenant, c'est très marquant. Mais il y a une histoire des ateliers d'écriture. Et je vous proposerai de jouer. Et je vous proposerai un atelier d'écriture autour du journal de gratitude. C'est pour se faire du bien. Ouais. L'idée, c'est que si on se fait du bien tous les jours, eh bien, on évite peut-être d'avoir de mauvaises pensées. Pardon ? On a le retour. Voilà. On peut en faire retour. Et voilà. Donc, le but du jeu, c'est un. Je pense qu'on commencera par l'exercice, parce que si on commence à parler, on a testé avec Darek, si on commence à parler, on n'est pas bien. Donc on commencera par l'exercice, et après, je vous raconterai, parce que des ateliers d'écriture, on en voit partout. Mmh, ouais. Bon, bah, que vous sachiez un peu, quand vous allez dans un atelier d'écriture, ce que ça peut être. Voilà. C'est samedi prochain, à la même heure, à 14h30. Oui. Ici. Oui. Ici. Oui. Je propose. Donc, est-ce qu'on continue encore? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Parce qu'il y a des pouvoirs, encore beaucoup. Moi, quand j'ai réfléchi un petit peu donc, sur le côté matériel des choses, et quelque part, le corps, donc son plus grand pouvoir, c'est ce pouvoir d'adaptation, mais c'est aussi sa fragilité, comme je l'ai dit déjà. Et on voit cette force se manifester quelque part par de... Bon, en tout cas, quelque part, il y a cette coopération, cette symbiose qui devrait se mettre en place et qu'on devrait faire, qu'on a un serviteur qui est dévoué, qu'il faut quand même respecter et qu'il faut lui donner la possibilité de s'épanouir et sans... En savoir comment lui rendre les services qui nous donne, et peut-être longévité pourra venir à ce moment-là où on arrivera à les respecter au niveau de son travail, de son dévouement. Et comme ça, justement, et si on sait en plus qu'on n'est pas seulement unique, c'est-à-dire qu'on est multiple en soi, déjà, mais nous dépendons de l'environnement et nous dépendons de notre relation avec d'autres personnes, parce que ça c'est très important. Et quand on dit que l'amour c'est le meilleur médicament, c'est vrai, on dit beaucoup, c'est la nourriture, que c'est le sommeil qui est le meilleur. Il faut respecter les corps, il a été créé pour vivre dans certaines conditions et il se développe le mieux dans ces conditions-là. Par exemple, on suit les rythmes de soleil, des journées, on suit les rythmes de la nourriture et de ne pas lui donner trop, parce que des fois, j'ai entendu même une thèse, quelque part, quelqu'un a dit que les carences, ça vient parce qu'on donne trop. Et comme ça, on peut, par exemple, les plantes, on peut les pas assez arroser, mais on peut les noyer aussi. C'est quelque part, et ça peut c'est aussi retrouver dans les corps. Donc il faut quelque part trouver à donner, et peut-être même c'est mieux donner pas assez, c'est-à-dire un petit peu moins que les corps devraient avoir, que lui donner un petit peu de plus. Et ce que Claire souvent dit, et il faut des chocs, il faut combattre les conforts, parce que peut-être c'est les conforts qui est le plus grand ennemi de notre santé, de notre longévité. Et elle connaît les froids, c'est-à-dire il y a des méthodes, on soigne maintenant, c'est les traitements, comment ça s'appelle, dérivatifs, non ? Les dérivatifs. Non, oui. mais de se mettre au choc, c'est-à-dire de forcer les corps à faire quelque chose d'extraordinaire, pas habituel. Donc des fois, parce qu'on cherche des solutions extraordinaires, mais peut-être tout est là. C'est-à-dire que quelqu'un, si quelqu'un ne veut pas être soigné, on ne peut pas le soigner. Mais non, mais il faut qu'il vienne à nous, déjà. Et on ne peut pas s'imposer. Mais par contre, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'avec les cas de zona, les cas de zona, après la vaccination, énormément, mais ils sont beaucoup plus difficiles à soigner. Je n'ai pas le terme soigner, mais c'est beaucoup plus difficile. Il faut au moins une séance de contrôle. Et zona, c'est quoi? Zona, c'est quoi? C'est une brûlure, t'as des plaques rouges, alors ça peut venir en cette cure, comme ça. Et après les vaccins, moi j'ai côté gauche, là, mais c'est beaucoup plus psychologique, les zones, non? C'est des problèmes psychologiques. Je ne sais pas, après la vaccination, oui, ça peut être, oui, c'est sûr. Mais cette injection, c'est quand même un sacré choc dans les vaccins. qui venait de Suisse, et lui, dans le truc, dans la conversation à un moment donné, entre midi et deux, lui buvait son urine. Oui. Nous, on n'était pas au Camberg, mais c'est pas possible. Et nana, et nana, et nana. Il nous a un petit peu expliqué, j'ai acheté un bouquin, j'ai bu mon urine, j'étais végétarienne. Là, je suis un petit peu moins depuis que j'habite ici. Mais c'est, vous avez tout dans l'urine. Tous les êtres, tout c'est un élixir de vie. Tout le corps qui a travaillé, tout le corps qui a transformé ce qui n'a pas pu être transformé et qui a fait un urine, mais qui a quand même été transformé pratiquement entièrement ou en partie, en fait, tout ce qu'on veut, les minéraux, et qui sont transformés, les hormones, exactement, qui sont transformés. Et il y a aussi les toxines. Quand on reprend notre urine, tout ce qui a été transformé dans le corps, puis qui est quand même parti, eh ben, le corps va prendre ce qu'il en a besoin. Mais les toxines, comme elles viennent déjà du corps, le corps il les reconnaît, il les évacue encore de nouveau. Ou alors c'est en homéopathie. C'est de l'homéopathie aussi. Donc même quelques toxines, il y en a qui s'évacuent, mais celles qui doivent rester, elles sont ciblées. L'urine, c'est... Nous, on ne connaît pas, on n'est vraiment pas... Non, c'est vrai qu'on est vraiment en retard. Alors après, moi aussi, j'ai goûté, enfin, j'ai essayé, puisque je travaille aussi dessus. Après, bien sûr, ça vient de notre alimentation. Moi, à l'époque, je mangeais très cru, beaucoup. Donc, ça n'a pas d'odeur, c'est très agréable. C'est très bon. Elle est même presque sucrée, vous voulez. Vous voyez, elle est différente. C'est vrai que c'est quelqu'un qui est un carnivore, qui va manger. Ça va être compliqué, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que si on mange très, très, ce que moi j'appelle sainement, l'urine n'est pas. Au contraire, c'est très bien. Par contre, il faut boire la sienne, pas la. Ah, voilà. Celle du voisin. Pas la sienne. Pas celle des autres. Sinon, et puis pour les plantes, alors ça c'est génial aussi, dans le jardin. Ah, c'est génial. C'est bon dans le jardin. C'est bon dans le jardin. Mais tu sais, si elle va courir dans les plantes peuvent récupérer. Mais après, dans le jardin, c'est psychologique aussi. Moi, je suis pour quand on fait. Parce que la plante, elle va l'utiliser directement. Et comme je ne suis pas pour nourrir la plante, mais pour nourrir la terre, pour que la plante puisse se nourrir de la terre, en fait. Et la qualité de la terre. Nourrir la terre pour qu'elle nourrira la plante. Oui. Je ne suis pas pour nourrir la plante. Mais si on a besoin d'un coup de fouet, un démarrage, ou la décomposition de paille, de compost plus rapide, ou si on met de la paille, ou qu'on met des feuilles, tout ça, on a besoin d'azote, donc on mettra de l'urine, effectivement. Et là, entre guillemets, en dépannage, l'urine, c'est très très bon. Moi, je l'utilise au printemps, par exemple, avant de mettre les plantes, je donne un bon coup de... Après l'hiver, j'en garde donc, pendant l'hiver, et puis après j'en mets. Et puis ça les aide à démarrer, mais après je ne fais plus, quoi. Mais l'urine de chat, par contre, l'urine de chat, c'est pas terrible. Parce qu'il y a pas mal de potassium. Je peux vous montrer. Mais par contre, tu mets pas, tu la dilues, tu la dissous, tu en mets une quantité. Oui, c'est 10%. Hein. Ah. Par contre, entre 10 et 20%. Oui, voilà. Alors 10%. Parce que si on ne met pas, ça dépend de la taille des plantes. De la boisson. De quoi tu parles? Les deux, la boisson. La terre, je sais qu'il faut la boisson, diluer pour la terre. La boisson, c'est direct. Il me semblait qu'elle l'a filtrée, la femme. Non. Pour la boire, c'est pas le même. Le premier flux d'urine, tu le laisses partir. Oui, voilà. Celui du milieu, tu le prends et à la fin, tu laisses partir. Voilà, ça c'est important. Je ne connais plus. Et pour les plantes, c'est pour les plantes que je dilue. Par contre, et si vous voulez bien. Tout dépend de la taille des plantes. Par exemple, les arbres qui sont attaqués par les champignons, on les soigne avec l'urine, et pas forcément diluée. Parce que la terre... Bon, ce qui est important, c'est l'étang. C'est-à-dire, si on arrose tous les jours, effectivement, 10%, ça suffit. Mais si, par exemple, on veut une action rapide, on met l'urine. Et même, j'ai entendu que toute la famille s'y met. Et moi, j'ai un cerisier, j'ai sauvé, je crois, comme ça. Ça veut dire, bon, il est toujours depuis des années en situation un petit peu délicate. Mais cette année, il a donné même plein de cerises, moitié mort. Mais il était déjà, il y a moitié des troncs qui est mangé par... Les bestioles. Voilà, par les champignons, parce que je ne me suis pas rendu compte au départ. Et là, maintenant où j'ai fait attention, je sais qu'après chaque pluie, il faut vérifier s'il n'y a pas quelque chose qui arrive, et il y en a de moins, des champignons, et des en moins, et s'il faut, je fais aussi, je gratte les champignons et je mets de l'urine sur les plaies, et pour l'instant, ça marche. Voilà, et les plantes continuent, et je ne vois plus les champignons, même si j'ai... Il est vraiment un côté des troncs et déjà, c'est de la poussière. L'arbre était renforcé, il a fabriqué plus de défenses immunitaires, donc il va pouvoir se soigner. Voilà, et ça c'est l'urine. Les Indiens l'appelaient soit les trésors jaunes, l'or jaune, soit ils l'appelaient l'eau de Shiva. C'est-à-dire, c'est aussi considéré comme quelque chose. Il y a tout un enseignement Shiva Parvati, où Shiva parle à Parvati de l'urine. C'est un enseignement que les. Enfin, je ne peux pas comme ça, mais tous les bienfaits de l'essence de vie, de l'urine, tous les bienfaits. Qu'est-ce que l'on peut faire? Jusqu'où on peut aller? Et même jusqu'à. Parce que c'est spirituel, donc. C'est bien de fouiller un petit peu. Et puis l'urée, on en a de partout, mesdames. Dans la peau. Les crèmes de beauté. Oui. Prenez de l'urine, vous la laissez un petit peu quelques jours. Voilà. Bon, après, il y a une. À un moment donné, il y a une petite odeur, mais avec un coton, moi je ne le fais pas, je ne le fais plus moi. Mais les peaux se retendent, enfin, c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, pour la salive, c'est pareil. C'est très nourrissant. Et le dans Tao, quand ils font la méditation, et ils font, et donc ils crachent dans les mains, et ils mettent sur la peau, ils se font moi, c'est que je peux vous confirmer, donc récemment, à certains moments, dans l'oreille, ça m'a commencé, quand j'ai touché, ça m'a commencé crac. Et je ne savais pas comment me débrouiller de ça. Et j'ai essayé avec l'argent colloïdal, ça n'a pas marché. Mais à certains moments, je me suis mis, je vais mettre la salive. Et je mettais beaucoup de salive. Et en quelques heures, c'était fini. Voilà. Donc. Et pour les méduses? Si vous avez des méduses, vous pissez dessus. Ah, voilà, ce qu'on dit pour les piqûres de guêpes, c'est bien. Alors, tout de suite. Ça arrête tout de suite la piqûre de guêpes. Vous n'avez plus. Bah, je n'étais pas jamais piqué par la méduse, heureusement. Et oui, il n'y en a pas beaucoup par ici. Non, c'est pas piqué. Non, mais tu as juste mis quoi de méduses? Ah, c'est une flotte. Ah, si, il y en a eu cet été. Oui, mais on est pas dans la mer. Ah, d'accord. Oui. Okay, il y a un livre sur les actions de Paris. Ah, oui, il y a des bouquins dessus. Non, mais il y en a un qui est particulièrement, qui a été traduit de l'américain, qui est particulièrement l'eau de vie. Si vous voulez, je peux vous donner le titre. J'espère qu'il est encore en circulation. Oui, je veux bien. Mais je ne l'ai pas là dans ma tête, parce qu'il y a l'auteur. Oui. Donc, si, je le fais passer à Darek. Et oui, tout à fait. Oui, bonne idée. D'accord. Puis il y a plein de petits trucs comme ça. Très bien. Moi j'ai aussi un livre sur l'urine et sur les bienfaits de l'urine, mais c'est ouvrage anonyme, je crois. Je ne sais pas, je vais voir. Ça, il ne faudrait pas le faire. Pour quelle raison? Dis-moi, je sais. Parce que tout ce que vous mettez sur la peau, ça rentre à l'intérieur. Une moyenne de 4 minutes, ça se retrouve dans la circulation sanguine, entre autres. Dans les liquides. Mais ça sèche avant peut-être. Il faut nous rappeler les mauvais gestes qu'on a. Une moyenne de 4 minutes, ça dépend de la nature, disons. Oui, c'est vrai. Parce qu'avant, on faisait des trucs comme ça. Oui, c'est vrai. Ah, oh là là. C'est vrai. C'est pas une critique. Non, mais c'est que plus on le sait, que notre peau, elle absorbe tout. Et en fait... Oui, mais après, le corps, il se strie quand même. Notre peau absorbe tout, effectivement. Et là, bon, moi, j'ai une fontaine avec des méthodes violées, etc. Extraordinaire. Informé et tout, nickel chrome. Donc je bois cette eau-là. Simplement, parfois, je mets de l'eau du robinet pour faire bouillir mon thé. Mais il y a du chlore. C'est du dioxyde de chlore qui est dans l'eau, c'est pas du chlore. Ah oui, c'est pas la même chose. C'est du dioxyde de chlore qui traite l'eau. C'est pas pareil. Non, je sais. Et c'est bénéfique justement. Hein. Non, je pense pas. Je crois pas. Oh. Ah, c'est. Il peut pas traiter. Je ne pense pas. On a fait couler le chlore, j'avais la plaie. Il peut pas mettre du chlore. Non, je ne pense pas. C'est dangereux le chlore. Non, non, le dioxyde de chlore, ça sent le chlore. Ça sent le chlore, le dioxyde de chlore. Ça sent pas le chlore. Le chlore, mais c'est jamais pas la merde. Non, je crois vraiment qu'il y en a. À Paris, ils ont changé justement, j'ai vu une émission, il y avait du chlore avant, ils ont décidé de mettre de l'argile. Oui, mais c'est ce que les gens appellent le chlore. Oui, mais c'est pas le chlore. Mais c'est pas du chlore. C'est du dioxyde de chlore. Oui, exactement. Parce que le dioxyde de chlore, il est alimentaire, alors que la javel n'est pas alimentaire. Non, mais c'est pas de la javel, c'est... Non, mais le dioxyde de chlore, je vous mets une bouteille la prochaine fois du dioxyde de chlore, vous allez sentir, vous aimez, c'est de la javel. Oui, c'est pas le dioxyde. Dioxyde de chlore. Et le chlore qu'il y a dans l'eau du robinet. C'est du dioxyde de chlore, ça sent le chlore. C'est du dioxyde. C'est vrai, oui. Donc on peut la voir. Et c'est injecté, oui. Le dioxyde, oui. Ah oui, mais l'eau du robinet. Oui, on peut la voir. Si c'est du dioxyde de chlore. Si c'est du dioxyde de chlore, on peut la voir. C'est à fouiller. Au contraire. Au contraire. Vous avez vu que ça nettoie les systèmes. Au contraire, ça va nettoyer. C'est même très bon pour la santé. Moi, je vois bien qu'à 98 ans, justement, elle habitait en d'une colline, et tout le chlore, ben, le dioxyde de chlore, ça remontait. Elle en a bu toute sa vie, les gens disent, mais vous buvez ça? Ben oui, mais elle a 90 ans, elle a de santé. Alors, c'est un nettoyage, on est d'accord, ça nettoie. Je vais regarder ça. Ce que je ne comprends pas, c'est que les bactéries, les machins, tout, machin. Mais les bonnes bactéries, tout ce qu'on a de bon dans le corps, il part avec. Ça les tue pas, ça les tue pas. C'est pas... Ça les reconnaît, c'est tout. Ça les reconnaît. Ouais, parce que c'est question d'ions, il y a des ions, je comprends vous expliquer. Oui, oui, d'accord. C'est une question de polarité. Ils reconnaissent le bon et le mauvais. Les hydrogéologues, ils vous disent que, c'est quand même un peu leur spécialité, ils vous disent que l'eau du robinet est généralement imbuvable. Oui, mais c'est pour ça que j'ai un gros problème avec l'eau. Elle est meilleure que l'eau. L'eau du robinet, elle est doublement imbuvable. On va pas. Déjà au niveau traitement. Au niveau résidus, si on accepte l'idée que l'eau peut, je schématise, mémoriser ce qu'on lui a injecté à un moment donné ou à un autre, de bien ou de mauvais, le plus souvent mauvais, malheureusement. Et d'un autre côté, le fait de la mettre sous pression dans les tuyauteries, déjà de la pomper sous pression et sous pression dans les tuyauteries, je ne dis pas quand les tuyauteries étaient en plomb dans le temps, il y en a heureusement presque plus. Là, ça devient une catastrophe au niveau énergétique. L'eau que vous buvez dans la montagne, que vous allez ramasser comme ça. Alors, l'eau, c'est l'eau vivante. D'accord. Et s'il y a une charogne juste au-dessus, qu'est-ce que ça fait? Mais il y a la filtration. Il y a la filtration du sol. Parce que l'eau, elle est vivante. Non, ça fait rien. L'eau de source qui a subi une filtration naturelle dans les couches, ça c'est une chose. Sauf que, il y a eu des analyses qui ont été faites déjà il y a pas mal de temps. Dans la Volvic, par exemple, on a trouvé des traces, je dis bien des traces, très très très très faibles, de médicaments utilisés dans les cancers, dans les chimiothérapies, par exemple. Dans la Morocouche, une autre eau très faiblement minéralisée, on a trouvé autre chose, je ne sais plus, bon, c'est un truc déjà très ancien, on a trouvé des traces chimiques de produits utilisés couramment, disons. Et ça, c'est de l'eau en bouteille, oui. Voilà. Mais c'est censé être de l'eau de source. Et en plus, en tout cas, c'est censé. C'est dans du plastique. Non, mais les eaux, elles sont vivantes, elles sont mortes. Quand elles sont vivantes, sur le corps, elles agissent pas comme ça. Elles sont mortes. Ça, je le crois. Il y a pas quelqu'un qui peut le croire. Mais après, c'est là la grande différence des eaux. Après, j'ai le sentiment que bon, si on peut pas voir autre chose, l'eau du robinet, c'est moins pire. C'est moins pire. L'eau du robinet. Non, regardez les Arabes quand ils versent le thé à la menthe, qu'est-ce qu'ils font? Ils aèrent. Ils la redynamisent autant que faire se peut. Parce que l'eau en bouteille, ça ne paraît pas très bon. Le souci, c'est que quand elle a chauffé l'eau, elle a passé 50 degrés, les minéraux Ils font le calcaire. Ah, le oui. calcaire, c'est les minéraux ça, c'est qui se lient entre eux. Donc, si ça a fait le calcaire, ben on peut le dynamiser après. Il faut empêcher, quand l'eau chauffe, il faut qu'elle reste dynamique à ce moment-là. Et après, il y a je vais arrêter de me poser des questions, mais il y a des gens qui vendent des dynamiseurs. Moi, j'ai été sollicitée une année, je faisais une formation, on m'a dit, tu veux pas vendre ce produit, c'est génial, c'est pour redynamiser ton eau. J'ai dit, ouais, mais moi, aller vendre des produits à 1300 euros, excuse-moi, je suis pas d'accord. Tu mets ça l'intention sur ton eau et ça dynamise. Pas quand elle chauffe, ça va pas super. C'est pas dans mon état d'esprit. Mais par contre, l'année suivante, le même type de formation, il y avait un chercheur. Et le gars, j'ai dit, bon, là, on va parler en vrai. Qu'est-ce que tu en penses, là, de cet appareil ? Et il me dit, en gros, pour 100 euros, tu fais mieux. Voilà. Donc, c'est des appareils qui mettent l'eau. En vortex. Oui, ça fait vortex. Et je ne sais pas du tout maintenant. Je sais qu'ils vendent toujours dans ces appareils. Dans blazer, fait ça. Mais moi, ce que je fais. Dans blazer, c'est pareil. Hein. Dans la. Oui, ou des bouchons. Mais il n'y a pas besoin de mettre en vortex. On peut dynamiser avec de l'information. Hein. Oui, c'est suffisant. Une pierre informée, ça dynamise. Mais quelle pierre ? Voilà, ça peut être l'argile aussi, l'argile. Qui dynamise aussi, parce qu'elle est informée. Voilà, par information, on dynamise. En fait, information, dynamisation, tous ces mots-là, c'est tout la même chose. Tu en prends un, c'est pareil, t'as tous les mots avec. Donc, c'est suffisant. Tu as trouvé un truc qui s'appelle information, qui s'appelle autre, et bien automatiquement ton eau va être dynamisée. Qui c'est le nom? Et là, elle va être dynamisée. Et là, ça informe. Nous sommes partis encore dans les discussions des débuts de table. Il faut parler plus fort. Qu'est-ce que tu disais ? Je faisais part de mon expérience de quand je dynamisais l'eau et je disais qu'il y a quand même des endroits où l'été elle est vraiment pas bonne du tout. Quoi. Tu crois qu'elle n'est pas bonne ? L'eau. Très important qu'il y en a de l'eau. D'ailleurs, je pense que dans l'histoire de l'autosuffisance, on devrait se pencher sur prendre l'eau dans l'air, comment prendre l'eau de l'air, parce qu'apparemment, ce n'est pas difficile non plus. Ah oui, les nuages. C'est bon. Pas des nuages, même ici. Par exemple, les gens. Mais avec tout ce qui passe en haut, avec les nuages, ça ne va pas terrible. Donc, ce que je peux conseiller, par exemple, si vous achetez pour 25 euros, je pense 30 euros, un déshumidificateur. Les mini. Ou ben, vous avez quoi en humidité de l'air? Mais après, il faut la filtrer parce qu'effectivement, avec tout ce qu'il y a maintenant. Ou les mini frigos là, pas les frigos avec le. Le frigo. Ouais. Mais l'eau, elle n'est pas vraiment pure. Bah après, il faudra trouver encore la moyenne de la. Ça dépend de ce qu'il y a dans ton maison aussi. Non, parce que vous avez un courant. Parce que moi, je fais de l'argent colloïdal. Et il faut de l'eau très pure. Il faut qu'elle soit 0 ppm. Donc c'est de l'eau déminéralisée. Même pas. Vous achetez en magasin de déminéralisée, elle est à 15-20 ppm déjà. Ah, déjà, c'est la déminéralisée. Même plus. Ah oui, c'est fou. Parce qu'il la déminéralise avec des appareils. Et si vous voulez, même un petit déshumidificateur qui est grand comme ça. Vous avez un courant d'air donc, qui va se créer, qui va récupérer l'air de la pièce, qui va passer sur un lit de froid. Ce froid, l'eau, il va la condenser. Mais dans cette air qui circule, vous avez plein de poussière qui circule, que vous ne voyez pas. Bah, et tout ça, ça fait des ppm. Ça fait qu'à la sortie, vous regardez votre main, vous avez filtré du charbon actif. Et ben, elle n'est pas à zéro. Enfin, à zéro, on n'arrive pas à la voir. Mais toutes les bouteilles d'eau que tu achètes, elles sont énormes. Oui, mais si vous voulez faire de l'eau, de l'argent corridal, il faut de l'eau proche de zéro. Parce que si dedans vous avez des minéraux et des matériaux, vous allez faire du colloïdal avec ces matériaux, sinon vous ne savez pas ce que c'est que le matériau. Donc tout ça, il faut l'éliminer, il faut vraiment que de l'argent. Mais il reste sur les électrodes. Ce que je veux dire, c'est les minéraux, c'est la pollution, c'est tout en fait. Parce que les électrodes sont noires après quand on fait l'argent colloïdal. Vous allez avoir un courant qui va passer d'une électrode à l'autre. Mais ça va passer dans l'eau. Mais s'il y a des métaux dans l'eau, ça va être électrolysé, c'est métaux aussi. D'accord. Ça ne sera pas que l'argent. Donc vous ne savez pas ce que c'est que les métaux. Donc c'est pour ça que l'eau proche de zéro. Alors comment tu fais ton eau alors? Comment tu l'as celle-ci? Alors moi je vais la chercher à deux endroits et c'est les seuls endroits où j'arrive après un stérilisateur, c'est-à-dire que je fais bouillir mon eau et j'achète un stérilisateur qui vaut 60 euros. Vous faites bouillir l'eau d'un cuvinox, elle s'évapore, elle passe d'un refroidisseur, et là elle tombe de goutte à goutte. Voilà, d'accord. Donc et la seule eau, les deux, une source qui sont au-dessus de la Bouverie, quand vous allez appuyer sur l'argent, vous êtes sur la gauche, à Bouverie, vous montez au croisement, la route qui retourne sur la Motte, et là il y a une source. Il y a une source qu'on m'avait indiquée, elle m'a dit, les vieux, ils allaient tout le temps chercher l'eau là-haut. On ne sait pas pourquoi, l'eau elle coule en permanence, vous n'avez pas un bout de calcaire qui arrive au bout du tuyau. C'est bon à savoir ça. Et cette eau, j'arrive à faire, après la stériliser, j'arrive à avoir une eau qui est proche de zéro. D'accord. Et une eau que je vais chercher à Seine-des-Alpes. Où ? À Seine-des-Alpes. C'est un peu loin. Lorsque j'y monte à Seine-des-Alpes, je remplis des jerricanes. Au-dessus des digues. Voilà, tout à fait. Alors la source, elle est où là? C'est vrai que je trouve. Eh bien, c'est l'eau de Seine-des-Alpes au robinet. Au robinet? Et avec celle-ci, mais j'arrive. Il y a l'eau de comment? Au-dessus. C'est la Blanche. La montagne, la Blanche. Là. Ah, d'accord. Quand vous arrivez avant Seine, vous avez la station du Grand Puy. D'accord. C'est l'eau de montagne et c'est là que j'arrive à faire l'argent colloïdal. Sinon, avec les autres, j'arrive pas. T'es déjà dans le mon évaporateur, quand vous le faites bouillir, il n'y a aucun résidu, alors que les autres avaient une crasse noire au fond qui se trouve au fond de la oui, c'est ça, ouais, ça serait le. Alors si vous voulez, qu'est-ce qui se passe? Vous avez cette crasse noire qui est dedans. Mais comme l'eau elle boue, toutes les saloperies elles rentrent dedans. Et puis elles retournent de l'autre côté. Hein. Ouais. Donc vous n'allez pas avoir une eau qui est très propre. Ouais. Alors avec l'eau que je trouve à Seine-des-Alpes et la source de la Bouverie, une fois que ma cuve, elle fait 4 litres, j'arrive donc à stériliser toute cette eau, j'ai pas de résidu au fond de la cuve. Ni du calcaire, ni rien du tout. Ça fait qu'il n'y a rien qui est entraîné par le mouvement d'eau. Parce que si vous avez. Parce que l'eau, pour qu'elle s'évapore, il faut qu'elle boue. Et c'est là justement elle va entraîner tous les résidus. Quoi. Bah la vapeur, c'est. Ben oui, la vapeur va entraîner. En bouillant, elle fera du. Et de l'autre côté, vous allez retrouver des résidus. Quand vous avez fait un test, vous n'aurez pas. Bon, zéro, on ne peut pas rendre zéro. Mais il faut avoir proche de 1,1, 1,2, c'est bon. Parce que le PM, c'est pas grand-chose. Hein. Parce que d'abord, le zéro, vous n'arrivez pas à redémarrer votre électrolyse. Puisque l'eau zéro, elle est isolante. Donc l'électrolyse est trop propre. D'accord. Donc vous êtes obligé d'ajouter de l'ancien argent colloïdal pour démarrer le système. Quoi. Mais tu vas être notre fournisseur, non alors? Ah oui. Ah, tu n'aurais pas lui parler ton numéro de téléphone? Ah oui. Tu n'aurais pas lui parler. Il faut avoir une bonne eau pour faire ça. Et de bons appareils. C'est où la Bouverie là? La Bouverie, c'est très intéressant. Et de bons appareils. C'est où alors? Pour aller à la Motte alors? Vous allez donc au Muy. Après le Muy, vous avez comment ça s'appelle la commune de l'Alpont là? La Motte? Puget? Non. Non. On entre le Puget. Oh oui, non. Je vois la Bouvrie, oui. Je la Bouvrie, oui, la Bouvrie. La Bouvrie, oui. Robe brune sur argent. Après le Lidl, là. Voilà, robe brune. Oui, oui. C'est la source de l'aiguillon. Ah, peut-être c'est celle-ci. Ah, c'est peut-être ça. Comment ça? La source de l'aiguillon. Elle est carrément en haut, elle se trouve vers le croisement de la route qui repart sur la Motte et la route qui va à Saint-Paul. Saint-Paul, ça va voir. Vous avez une route là-haut. Vous montez au-dessus de la Bouvrie. Pas loin de chez nous. Hein, quand vous êtes arrivé. Ah, eh ben, oui. On en avait une dans le village, on l'a coupée. Eh bien, tout à fait, oui. À Saint-Paul. Oui, ça va être ça. Oui, ça va être ça. Oui, exact. La source de l'aiguillon. Alors, c'est pour moi qui vais la chercher. Parce que souvent, elle est fermée. Sur Mayol. Je ne sais pas qu'elle appartient. Souvent, elle est déviée. Alors, c'est une personne qui habite à Saint-Paul. Et qui en passant dit, ben, je regarde s'il y a un jeteur des billes dans la voiture et je regarde et je t'en prends. Mais dans les halls, là, à Bouvrie, elle doit être par là. Et dans les bidons plastiques. Dans les bidons plastiques, je mets du dioxyde de chlore pour pas qu'il y ait de... Parce que je l'utilise pas tout de suite, des fois. Des fois, je l'utilise au bout d'un an. Je mets du dioxyde de chlore pour tuer une bactérie. Je remets tout le monde. Elle se conserve... Mais il y avait quatre, il a dit qu'elle était toujours croisement que la Motte. Et Saint-Paul. Ouais. Saint-Jean-Montclair. Alors je vais aller à Michel. Bonjour à. Oui, moi je vais à Saint-Jean. Il fabrique là-bas. Ah voilà. Il va vendre dans des régions.